travail. Je veux dire, c'est le 31, on devrait les ont changé, quoi, en fait. D'accord. Ils ont dit que tu ne vas pas écouter la parole du Seigneur ce matin. Ah. On a YouTube, Bamba Iba. On ne peut pas heureusement, par la grâce de Dieu. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour à Viry Châtillon, le Coton Gabo. Bonjour, comment tu vas ce matin? Bonjour. Voilà. Le couple Achille Ndiakam, ça c'est la meilleure. Bonjour. Bonjour. Votre région géographique nous surprend. Vous vous trouvez dans le cadre de France dans la sainteté, étant à l'île Maurice. Que Dieu quand même vous bénisse. Amen. Le frère Pierre, bonjour. Bonjour, frère Junior. Mais apparemment, tu es au volant. Exactement, je suis au travail. On a un peu changé mon programme. Bon, ne me regarde pas, ne fixe pas sur l'appareil fixe devant toi. Ne fais pas comme ça, tu fonces dans le vide. Toi, tu es où là? Je ne te connais pas, j'ai jamais vu ton visage. Je suis parmi tous ceux qui s'affichent ton écran comme ça là. Donc, je suis quelque part là, tu ne me vois pas. Je comprends mieux que ceux qui sont autour de nous. Car toi, Seigneur, que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. Sois béni, frère, merci. Ah, donc, ne te concentre pas sur ton écran, concentre-toi devant la conduite, mais écoute tout simplement. Donc, je vais repartir quelques minutes après et puis je vais suivre le reste sur Bamba Iba. Ok, bon, maintenant le temps de dire bonjour donc à tes frères et soeurs. Alors, dis-le bonjour alors. Bonjour. Ah, vous voyez ma main là? Oui, tout le monde te voit très bien. Bonjour. Allez, béni. Ouais. Et tu vois que parmi nous tous, il y a un junior parmi, le visage du junior est parmi, n'est-ce pas? Amen. Ça c'est sûr ça. Oui, c'est sûr. Peut-être c'est moi qui suis en vert là, comme ça, avec le haut orange. Ah, ok, d'accord. Attends, je vais. Ah. Ou bien celui qui est en fond blanc comme ça, au rayé blanc. Peut-être c'est moi. Ou bien en bleu à côté de ma femme là. Donc parmi nous, il y a junior. Avec des lunettes là? Oui, certainement c'est moi là. Ah, ok, d'accord. Ben oui. Tu as vu le visage du frère Junior, non? Les écouteurs. Oui, oui. Tu as vu le visage du frère Junior, non? Je vois. Tu as vu le frère Junior, n'est-ce pas? Le frère Pierre. Regarde celui qui sourit beaucoup là, c'est moi. Comme c'est nous, j'ai du mal à. Dieu merci qu'il ne détectera pas. La soeur Kelly, encore le bonjour du côté de Paris. Bonjour. Et bienvenue. Shalom, shalom. Bienvenue à cette nourriture matinale. La soeur Ophélie, bonjour. La soeur Ophélie, bonjour et bienvenue. Bonjour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée aujourd'hui. Merci. Le frère Willy, bonjour, du côté de N'Djamena au Tchad, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour frère. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Anne Gomba, bonjour. Bonjour. Ouais, ton mari est où aujourd'hui? Il avait dit, il avait fait une promesse qu'on devait causer. Il est là à côté. Ah, il est là, je ne le vois pas, on ne le voit pas, il se cache comment? Non, je ne me cache pas. Oh, ok, donc tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Moi, c'est le frère Alain. Le frère Alain, merci ça. Merci beaucoup, frère. Mm-hmm. Que Dieu te bénisse. La sœur Paul Gertrude, bonjour. Bonjour Frère Junior, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, comment tu vas ce matin? Bonjour. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je crois que nous attendions ce moment, c'est avec persévérance et fini. Et hier, je n'ai pas pu travailler le Canada parce que une fois de plus, le transformateur de notre quartier a encore brûlé. Et l'électricité est revenue à 3h45. Vous vous imaginez, ce n'est pas évident avec ce Cameroun-ci là. Je crois qu'il faut que les gens comme Ophélie, comme ça, pour venir prendre le ministère de l'énergie et des eaux ici là. C'est ça. Mais voilà. Ça. Le frère Mamadou Kamagaté, bonjour. Bonjour frère Junior. Et bonjour tout le monde. Bonne arrivée. Bonjour. La sœur Alida Kofi, bonjour et bienvenue. Bonjour. La sœur Alida depuis l'Italie, bonjour et bienvenue. La sœur Nafissa, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, ça c'est la sœur Nafissa. Bonjour. Voilà. Il y a encore qui là, on n'a pas encore dit. La sœur Laetitia, la plus grande Toulousienne, parisienno-jaoundéenne, bonjour. bonjour tout le monde, shalom. Oui, je crois, je crois qu'on a passé en revue presque tout le monde. Donc comment vous allez ce matin? La semaine dernière, nous n'avons pas pu travailler, on a eu beaucoup de perturbations avec le réseau de distribution d'énergie électrique ici au Cameroun. Et c'est quelque chose de somme toute classique pour les pays africains. Donc j'espère qu'on n'a pas été assez déçus et le Seigneur vous a conduit autrement. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Je suis à votre service ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère, je crois que j'espère qu'il n'a pas manqué à quelqu'un. Non, j'ai pas manqué à quelqu'un. Nous avons tous passé en revue tous ceux qui sont là présents et ceux qui vont encore rejoindre. Le frère Christian, tu peux nous recommander entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas, que nous commencions maintenant. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, encore pour cette journée, Seigneur, tu te permets, Seigneur, que nous partageons tout, papa, Seigneur, ta parole qui est l'encre sur nous, qui est unie dans notre santé, Seigneur. Papa, guide-nous, conduis-nous, papa, tout au long de cet enseignement, Seigneur, pour que nous soyons enrichis, Seigneur, pour ta gloire, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Quelqu'un a-t-il des questions? Vous avez des questions? Je suis à votre service. Vous avez suivi des choses qui vous ont choqué, qui vous ont bouleversé. Nous sommes là pour vous servir. Des questions? Je crois que l'affaire Ophélie, la sœur Ophélie, j'ai ton message depuis. C'est pendante là. Bon, je crois que c'est mieux que je dise là devant les frères pour que ça en donne témoignage pour que je dis pour les gens qui sont en train d'écouter. Parce que c'est pas compliqué. Mais il y a un autre aspect qui est privé dont je vais parler. D'accord? Ok. Tu as attaqué des sirènes et elles se sont dressées contre toi. Il y a une particulièrement qui a décidé d'en découdre avec toi. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il parle de la sœur Ophélie. Donc, il y a une sirène qui est envoyée à ta destination pour en découdre avec toi. Donc, fais vraiment attention. Et cette sirène-là va se passer à partir de ta copine. C'est à partir de ta copine que ça passera. C'est une sirène qui est identique à une sirène que tu as dénoncée. Et cette sirène-là va passer maintenant par ta copine. Donc, elle a dit que tu veux te dresser contre moi. En dénonçant ses œuvres. Donc, fais vraiment attention. Parce que, à l'heure où nous parlons, quand il est en train de prier pour toi, on a pris ton image. On a pris ton image. Que celle-ci, on a désigné celle-ci, on va la traiter. Donc, fais extrêmement attention. Tu m'as suivi? Amen. Voilà, donc c'est ça. Amen. Et frère Julien, en fait, hier, j'ai écouté l'enseignement que tu as fait avec les frères des États, enfin, les frères et sœurs des États-Unis. Oui. Les frères et sœurs des États-Unis et tout, j'ai écouté jusqu'à 3 heures du matin. Et du coup, en fait, ça m'a fait mal parce que le Seigneur m'avait donné justement un message concernant les États-Unis, en fait. Mmh. Et c'était la même chose, en fait, que les sœurs disaient. Parce que, en fait, dans le message, le Seigneur est en train de dire que les États-Unis se sont crus, en fait, tout permis. Ils se sont comme la première puissance qui ne pouvait jamais qui ne pourraient jamais tomber, en fait. Sauf qu'ils ont fait vraiment erreur parce que leur péché a tellement abondé que la coupe est en train de déborder et qui va frapper, en fait. Le Seigneur, effectivement, avait dit qu'il va vraiment frapper. Donc c'était juste ça que j'avais. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport justement à l'exercice du cœur là, effectivement, c'est moi je voudrais encore témoigner que c'est vraiment un exercice très très important parce que on pense parfois qu'on a peut-être pardonné certaines personnes et tout, bien qu'on a déjà effectivement excipé tout ce qui est de vous savez, les petits trucs encore qui restent et tout dans nos cœurs, sauf qu'on se rend compte devant le miroir de la parole que c'est vraiment pas ça en fait, et qu'il faut vraiment que l'on marche selon ce que Dieu seul y désire en fait. Parce que sans ça, on ne peut pas vraiment aspirer aux choses d'en haut. En fait, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai fait un rêve bizarre en fait hier, mais je crois savoir que c'est par rapport à l'enlèvement et c'est par rapport au fait que, enfin du moins ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en fait est en train de dire qu'on n'était pas encore assez près en fait. Genre on était en train, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de dormir à l'heure où nous sommes en train de parler en fait. Je me suis retrouvée avec certaines personnes et tout, et c'est comme si on avait comme une rentrée, une excursion scolaire ou je ne sais pas quoi et tout. Et à un moment, moi bizarrement, je me suis retrouvée en train de comment on appelle, tout le monde est parti, moi je me suis retrouvée seule dans la salle alors qu'on devait prendre l'avion pour aller dans une autre destination. Moi je suis restée là et c'est comme si j'étais en double maintenant et je me suis vue en train de dormir. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de dormir alors que je sais très bien que j'ai un avion en fait à prendre. Et là, je suis là, je me vois en train de dormir, je dis mais ça c'est pas normal. Et boum, d'un coup en fait, j'ai réalisé en fait que tout le monde était parti et que moi ça j'étais encore resté. Je dis oh, ça c'est pas normal ça. Et j'ai commencé maintenant à courir, chercher de l'aide. Dieu merci, j'ai vu en fait un monsieur et tout qui m'a dit, ok, d'accord, je vais vous amener vers l'avion et tout. Et là, on a commencé à courir, jusqu'à ce que je sois rentré dans l'avion et tout ça. Et après, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais pourquoi en fait, j'étais en train de dormir. Pourquoi j'étais en train de dormir alors que je sais très bien que je dois prendre un avion en fait. Et c'est là en fait que le Saint-Esprit est en train de me dire que c'est une image pour vous montrer que beaucoup de gens le jour de l'enlèvement seront en train, comme ce que tu as vu dans le rêve, en train de dormir parce qu'ils penseront que l'enlèvement ça va venir, ça va prendre du temps, enfin on a encore tout le temps en fait de faire ce qu'on a envie de faire, que ce soit au niveau de l'éducation des enfants, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit de ranger notre vie selon le modèle de Dieu, on a encore le temps, sauf qu'on n'a plus justement le temps, d'autant plus que, et ce que tu as dit justement par rapport à Israël, quand tu as bien détaillé et tout, déjà, de toute façon, c'est déjà su d'avance, c'est un événement majeur qu'il ne faut pas, il faut justement prendre en compte parce que à partir de cet événement d'Israël, tout va basculer parce que là, c'est vraiment le Seigneur est en train vraiment de tout nous dire. Donc, quelqu'un qui a des trucs et tout, il n'a qu'à vraiment ranger sa vie en ordre. Ce n'est pas Dieu. À un moment, on peut encore s'amuser et tout, mais là, ce n'est pas Dieu parce que cela rejoint exactement à ce que la sœur a dit, que Dieu veut que nous montions à un niveau plus élevé. Oui. C'est-à-dire qu'on doit passer de bébé spirituel, d'enfants, ceux qui sont à la maternelle, à un niveau spirituel beaucoup plus élevé, afin de recevoir encore plus du Seigneur, et bien sûr, nos récompenses au ciel. Donc, on doit aussi accepter de souffrir, on va aussi accepter d'être calomnié, d'être injurié, parce que ça aussi, on n'accepte pas ça souvent, hein. En tant qu'homme et tout, que les gens nous disent, oh, toi, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous fatigues tout le temps, c'est Jésus. Tu ne fêtes pas la Noël, tu ne fêtes pas le Nouvel An, tu ne fais pas ceci, tu es trop rigide. Même tes enfants et tout, tu ne leur achètes pas les Disney, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. On s'en fout. Vraiment, le Seigneur m'a vraiment dit, vous n'avez toujours pas encore compris le verset aspirez aux choses d'en haut. Vous n'avez pas bien compris. Parce que celui qui aspire vraiment aux choses d'en haut ne va même pas perdre du temps à écouter en fait ce que les gens disent sur la terre. Ne va même pas regarder en fait aux choses de la terre. Mais il va se dire non. Vraiment, ce qui m'attend au ciel est tellement plus important que ce qui est sur la terre que je ne peux pas m'encombrer de choses inutiles en fait. Je dois vraiment faire en sorte que ma vie soit rangée, soit décente pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il reviendra chercher une église sans tache et ni ride. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur qu'on doit se croire tout permis. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Parce que on pense que, oh non, il y a la grâce, il y a la grâce, il y a la grâce. Mais sauf que la grâce, elle arrive bientôt à sa fin. Et le Seigneur va frapper, il va déjà commencer par nous, les chrétiens hypocrites. Les chrétiens hypocrites. Les chrétiens hypocrites, ceux qui sont en train de jouer à double jeu. C'est-à-dire que devant nous, on porte le foulard, on fait que, oh, alléluia, alléluia. Derrière, alors, qu'est-ce qu'on fait? Derrière, alors qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur nous voit tous comme ça. Bien même avec la caméra. La caméra de Dieu voit tout le monde haut. La caméra de Dieu voit tout le monde haut. Que les gens fassent bien attention. On ne blague pas avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne blague même pas un peu. Parce que les gens seront vraiment étonnés de savoir qu'au dernier jour, ils ne seront pas comptés parmi ceux qui vont aller au ciel. Donc, vraiment, moi-même, ça commence déjà par moi. Oui, alors, et je voulais aussi vous dire. Oui, la sœur Ophélie, puisqu'il a commencé en écoutant le travail qu'on avait, le Seigneur nous a dirigé pour le cœur, en écoutant ce travail-là dans le cœur, qu'est-ce qui est arrivé pour ton cas particulièrement, sans pour autant entrer dans les détails privés? Vraiment particulièrement, je vous assure que ça m'a permis de réaliser déjà le verset, parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit, que il faut bien apprendre le verset aspirer aux choses d'en haut. Moi, c'est ce que déjà j'ai dit, aspirer aux choses d'en haut. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que au fait, ça ne sert à rien d'accumuler des choses dans le cœur. Pense plutôt à tes récompenses. Pense plutôt aux choses du ciel. Pense plutôt au plaisir divin, en fait. Parce que quand tu vas plus penser à ça, quand tu vas plus penser à ma parole, quand tu vas plus méditer ma parole, mais tu vas très vite oublier, en fait, les choses que tu as accumulées. Et je vous assure que quand j'ai commencé à penser autrement, en fait, j'ai commencé à méditer, à penser, à vraiment nettoyer mon cœur, je vous assure que déjà, ma vision est en train de changer, dans le sens que les personnes que j'avais encore retenues, finalement, même si je les rame, je vais seulement rigoler. Je vais seulement rigoler parce que je vais me dire, ça ne sert à rien, en fait, tu vois. Ça ne sert à rien de vous-même retenir, de retenir tout ce que vous m'avez fait, parce que je vous dis, chacun, le salut, c'est individuel. Donc, si vous voulez continuer vos palabres ou je ne sais pas quoi, vos cachotteries, vos trucs et tout, ça c'est votre problème. Mais moi, en ce qui concerne à moi, je veux vraiment avancer avec le Seigneur. Je veux vraiment éviter des commérages, éviter des trucs inutiles. Tu avais combien, à peu près combien de personnes dans ton cœur, la soeur là? Ça c'est pour le cœur des personnes non pardonnées. À peu près moi là, oui. J'avais 3 personnes. Oui. 3 personnes, et c'était des chrétiennes qui m'avaient vraiment blessé le cœur. Mais aujourd'hui, je me dis que, comme avait dit le frère Christian la dernière fois que je bénis encore, et la sœur Julie, on pense beaucoup plus. En fait, j'ai réalisé surtout que dans ma vie, j'avais beaucoup plus voulu des amitiés, et je me suis dit que les amitiés chrétiennes sont plus intéressant que des amitiés avec des païens. Sauf qu'il y a encore chrétiens dans chrétiens. Tu vois, il y a chrétiens dans chrétiens. Et aujourd'hui, Ah, je t'assure que je suis, en fait, je suis en train de, je me sens légère de jour en jour. Je commence à me sentir légère parce que je ressens dans mon cœur que je dois passer à un autre niveau. Oui. C'est ça. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Ouais, merci. Bon arrivée, frère Guiricha. Bonjour. Tu n'es pas en retard. Désolé pour les frères d'avoir pris votre temps. Hein. Non, c'est pas trop pris le temps. On a compris. Chacun a 24 heures. Bon, alors, remarquez très rapidement que j'ai posé la question à la soeur que combien de personnes avaient été dans le cœur. Elle a dit 3. Il y a des gens qui ont 100, des gens qui ont 40, des gens qui ont une seule personne. Je me demande comment on fait pour garder quelqu'un dans son cœur alors qu'une personne est tellement grande et la personne pèse tellement. On a des choses à garder dans notre cœur. Comment on peut prendre une personne, on garde dans le cœur, une autre personne, on garde dans le cœur. Ouvrons la Bible d'abord avant qu'on ne commence là, s'il vous plaît. Ouvrons la Bible. Ouvrons la Bible dans le livre de Marc. Prenons le livre de Marc avant qu'on en revienne. Ce travail du cœur, si. Vous voyez que le vrai christianisme biblique se trouve dans le cœur. Ça ne se trouve pas, ça ne consiste pas en paroles et en récitation biblique. Parce que quelqu'un peut être un récitateur de la Bible, mais à l'intérieur de son cœur ne vit pas la vie chrétienne. C'est-à-dire que la vie chrétienne doit prendre essence depuis le cœur. Quand quelqu'un sort de son cœur la vie de Christ, alors cette personne-ci est vraie. Mais la personne qui essaye de parodier tout simplement les paroles de Christ et qui l'essaie d'imiter dans son cœur, c'est un usurpateur. Donc voici le pourquoi le Saint-Esprit est entré dans le cœur du problème. Le cœur du problème des êtres humains se trouve dans le cœur. Il faut qu'on extirpe. Dans le livre de Marc, chapitre 11, souvenez-vous que si vous lisez le livre de Matthieu, vous avez remarqué quand le Seigneur est entré dans le temple de Jérusalem, la première chose qu'il a faite, il a chassé les gens dans le temple. Le cœur, le lieu d'adoration, le lieu que Dieu a fait pour faire résider son nom. En ce lieu-là, il chasse les échangeurs de pigeons, il chasse les vendeurs dans le temple. Quand il les chasse, c'est pour faire quoi? C'est pour dire, ma maison, il est écrit, la soeur Alida, c'est à sa bouche chez toi là. Il est écrit, ma maison serait appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, notre cœur, qui est le centre d'adoration, le lieu que Dieu a choisi pour sa résidence, se trouve être le lieu des rapines. Le lieu de médisance, le lieu de jalousie, c'est quand même terrible tous les champs qui se trouvent dans notre compartiment du cœur. Donc, mes soeurs, mes frères, nettoyons nos cœurs. Travaillons, laissez que la parole entre dans nos cœurs, que la parole fasse son entrée dans nos cœurs et extirpe de notre cœur tout ce qui ont été. Il y a des compartiments de location là-bas par rapport aux gens qui ont la haine. D'autres qui ont dit, ma maman, ce qu'elle m'a fait, c'est terminé, je ne vais plus jamais lui pardonner. D'autres qui ont dit que mon mari, j'attends un jour, je vais le traiter. Un jour. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Vous y êtes? Verset 24 à 26. La sœur Lida, pourquoi tu pleures? Attendez, ne lisez pas encore. La soeur, notre soeur en train de pleurer. La soeur Alida, il y a quoi? Oh Jésus. Le Seigneur apporte la guérison dans le cœur. Ayez une pensée de prière pour notre soeur là maintenant parce que le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de travailler dans son cœur. C'est vrai que vous ne la voyez pas en vidéo, mais c'est ce qui est en train de se passer chez elle maintenant là. Prions pour notre soeur Alida. Et je profite de l'occasion pour prier pour chacun de vous, pour chacun de nous. Depuis ma conversion, le Seigneur m'a appris ces choses basiques que vous ne pouvez pas avancer avec quelqu'un que vous avez gardé sur le cœur. Quel que soit ce que la personne vous a fait, vous devrez pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez jamais avancer avec le Seigneur, dit la Bible. Donc ces choses ici dans le cœur, toutes ces choses qu'on a gardées dans le cœur, il faut que ça sorte. Donc je prie que le Seigneur qui nous a réunis ce matin puisse faire son travail dans chacun de cœur. Et particulièrement dans la sœur Alida, que le Seigneur continue à œuvrer comme le Saint-Esprit est descendu sur toi maintenant et commence son œuvre. Qu'il continue à travailler, nettoyer ta vie pour que toute cette saleté qui était dans ta vie puisse être nettoyée. Je prie, Père de gloire, pour le cœur de tous tes enfants ce matin. Ils sont à toi et nous sommes réunis, ô Dieu de gloire, en ton nom. Père de gloire, tu es le Dieu qui change les cœurs. Tu es le Dieu qui change les circonstances. Ce matin, tu veux te dénoncer dans son cœur ses œuvres. Tu veux te dénoncer dans son cœur. Ne t'inquiète pas, il y a un poids sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine alors que je suis en train de parler. Ça va quitter. Mets ta main sur ta poitrine, ça va te lâcher. Lâche ta poitrine, lâche le cœur de cette femme. Lâche son cœur. Lâche ton cœur. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Quitte. Ça doit te quitter. Ça doit te quitter. Tu écoutes cette voix. Tu écoutes cette voix. Le Seigneur te commande de quitter son cœur. Quitte sur son cœur. Quitte sur son cœur. Quitte, quitte maintenant. Quitte sur son cœur. Quitte sur son cœur. Oh mon Dieu. Quitte. Il dit bien lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Tu entends cette voix. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Non, pardon. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Pendant que vous y êtes, si le Saint-Esprit vous met à cœur que vous avez des gens qui vous ont blessé et dont vous avez gardé sur le cœur, que ce soit votre enfant, que ce soit votre tante, n'importe qui, votre couple ou n'importe quoi, c'est le moment de relâcher. Demandez au Seigneur pardon pour ces personnes-là et demandez que le Seigneur extirpe ces choses dans votre cœur, qu'il n'y ait pas de place pour la rancœur dans votre cœur. Prenez le temps, 5 minutes, je vous reviens maintenant. Il faut que je vienne prier pour vous. Personne ne peut rien. Personne ne peut rien. Séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors, à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Personne, personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince glorifie Jésus et sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut nous séparer. Que notre Seigneur vous bénisse, que notre Seigneur vous bénisse, que notre Seigneur vous bénisse, et que son nom soit à jamais glorifié. Soyez bénis mes soeurs, soyez bénis mes frères. Amen, amen. Amen. Souvenez, souvenez-vous de ceci. Ne gardez personne sur votre cœur. Parce qu'une personne emprisonnée dans votre cœur, c'est votre propre avenir que vous avez conditionné comme ça. Souvenez-vous bien de cela. Vous gardez une personne dans votre cœur. Il y a des situations où vous pouvez justifier humainement parlant en disant que vous ne savez pas ce qu'il m'a fait, ni quoi que ce soit, vous ne savez pas ce qu'il m'a fait. Mais c'est tellement précieux que le pardon et l'état de votre cœur dépend même de l'exaucement de votre prière, dit la Bible. Le Seigneur, dans le modèle des prières qu'il nous a donné dans Matthieu chapitre 6, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Vous voyez, donc notre pardon venant de Dieu est lié au pardon que nous en faisons des offenses qu'on nous fait. C'est à cause du fait justement que Jésus nous pardonne, que nous pouvons également pardonner. Il nous montre l'exemple du pardon. Et c'est le but même de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Nous étions coupables devant le Seigneur. Il est venu alors que nous étions encore dans la culpabilité. Il nous a rachetés par l'acte du pardon. Et cet acte du pardon nous a poussés à la réconciliation avec notre Père, contre qui nous nous étions rebellés. Et c'est le modèle même exemplaire de l'amour là-bas. Parce que vous ne pouvez pas avoir en même temps dans votre cœur l'amour et le manque de pardon. Ce n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas avoir. C'est donc pour cela que vous allez voir que la maturité spirituelle est mesurée par la quantité d'amour qu'on octroie. Autrement dit, par la quantité de pardon qu'on donne, par la quantité d'offense qu'on parvient à donner. Ce n'est pas par la quantité de versets bibliques qu'on a retenu, que non. Ce n'est pas par la quantité de versets bibliques qu'on a retenu qui fait de nous des matures spirituellement. Celui qui est spirituellement mature, c'est celui-là qui peut passer sur les offenses. Même si tout le monde se lève en disant que, est-ce que tu te laisses marcher dessus comme ça et que l'ego humain va s'élever. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand le Seigneur voulait venir pour l'arrêter, les gens ont sorti de côté, Pierre a sorti de côté pour essayer de le défendre. Malgré qu'il était sans tache ni ride, le parfait des parfaits, on est venu l'accuser et l'apériter comme un brigand. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'on laisse le couteau tranquille. Il pouvait invoquer son père qu'il envoie 72 000 anges pour pouvoir résoudre le problème. Mais il ne l'a pas fait. Il s'en est remis. La Bible déclare qu'accusé, il ne faisait point d'injure. Il ne faisait point de menace. Il ne rendait point injure. Mais nous, notre ego, c'est ça le vrai problème. C'est ça qui conditionne notre état spirituel. Parce que notre état spirituel dépend de la mort de notre... De ce que nous appelons, il est convenu d'appeler notre moi, notre bonté, notre être propre, là où se trouve le centre de l'orgueil humain. C'est-à-dire que quelqu'un puisse venir vous dire des mensonges sur vous et que vous regardez cette personne-là, non seulement vous avez la miséricorde pour lui, dans votre entrain rempli d'amour pour lui, et vous pouvez encore prier pour la personne. À cet endroit-là, à cet instant-là, même si vous ne connaissez pas un seul verset biblique, vous êtes plus mature que celui qui maîtrise toute la Bible dans la lettre. Donc votre quantité spirituelle est mesurée par votre acte de pardon. Et souvenez-vous de ceci, ne vous faites pas tromper. Même si vous pardonnez, vous ne pouvez pas oublier. C'est ça le vrai problème. Vous pouvez tester si vous avez vraiment pardonné au niveau du ressentiment. Quand vous entendez cette personne contre qui vous étiez levé, ou bien contre qui la haine, ou bien quoi que ce soit, était installée sur le cœur. Si vous entendez cette personne parler, vous entendez parler de cette personne, vous vous souvenez de cette personne, et que vous voyez que vous êtes mal à l'aise à l'intérieur dans votre être propre, ça veut dire le Saint-Esprit vous montre que vous n'avez pas pardonné en réalité. Parce que les gens qui disent par leur bouche que non, j'ai pardonné, j'ai oublié tout ça, j'ai oublié. Mais à l'instant où vous lui dites que, est-ce que tu connais telle personne? Il dit, ne mentionne même plus son nom. Vous faites de telles choses. La chose se trouve sur votre cœur. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas avancer. Il dit, c'est tellement important pour nous parce que vous ne pouvez pas faire un pas dans la vie spirituelle tant que cet acte n'est pas accompli dans votre vie. L'acte du pardon que vous manifestez montre clairement que Christ vous a pardonné et que, effectivement, dans sa pensée, vous n'avez plus de péché retenu contre vous. C'est ça dont c'est les questions. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Ne permettez pas une place. Vous avez assez de choses dans la Bible à savoir. Assez de choses dans la vie spirituelle avec le Seigneur à savoir. Ne prenez pas votre temps à emprisonner les gens dans votre cœur. Votre cœur ne sont pas des cellules et des prisons. D'accord? Votre cœur ne sont pas des cellules et des prisons. Ne faites pas de votre cœur le lieu où les pigeons sont échangés ou bien on échange des tables d'argent à l'intérieur. Que la cupidité ne se trouve pas là-dedans. Que la jalousie ne se trouve pas là-dedans. Que le mensonge ne se trouve pas là-dedans. La haine ne se trouve pas dans votre cœur. Ce sont ces choses-là qui projettent dans vos systèmes, dans vos globules rouges, des maladies, des crises cardiaques, des AVC. C'est ça. C'est ça qui crée des problèmes dans votre corps. La Bible déclare qu'un corps calme est la source pour la guérison du corps. Donc, souvenez-vous de ceci, mes frères. Ne permettez pas qu'il y ait des places dans la cellule. Si quelqu'un ne se trouve pas dans votre cellule, libérez ces personnes. Le frère Yannick Gonzo est bienvenu. Shalom, shalom, frère. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi en position et prends ta Bible tout simplement. Donc, mes frères et soeurs, ne permettons pas que quelque chose, ou bien quelqu'un particulièrement, nous reste sur le cœur. Vous avez compris, n'est-ce pas? Alors que notre Père vous bénisse. Que notre Père vous bénisse. La sœur Alida, elle est là. La sœur Alida. Ouvre ton... Oui. Rebonjour. Le poids est parti, n'est-ce pas? Ouvre ton micro, ouvre ton micro. Le frère Yannick, ferme ton micro. Parce qu'on va entendre cette sœur. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu vas entendre ça en rediffusion sur Bamba Iba. Oui, ma sœur Alida, parle-nous. Son micro est fermé. Oui. Elle est où, la sœur Alida? Je suis là, je suis là. Parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous maintenant pour que tes frères en sachent, en reçoivent instruction. Depuis que nous avons commencé l'exercice, je sentais que j'ai un poids sur le cœur. J'avais vraiment un poids sur le cœur. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me pesait jusqu'à hier nuit à 4h du matin. J'avais encore ce poids ce matin, encore également, j'avais ce poids jusqu'à ce qu'on soit réunis, ce poids est encore là. Je sentais en moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. C'est là que j'ai fini par exploser et puis voilà. Raconte comment ça s'est passé, le poids est parti où maintenant? Je ne sais pas où c'est parti, seulement que j'avais les mains. Je sentais quelque chose dans les mains comme un courant électrique. Oui. Dans les deux mains. Oui. Mais pourquoi tu as coupé ton micro, ton truc? Parce que quand j'ai prié pour toi, les gens ne voyaient pas, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai fait que tu viens là pour parler, pour qu'on sache de quoi il s'agit. Quand la sœur a commencé à parler, que j'ai commencé à pleurer, c'est ça que j'ai coupé la caméra. Oui, pourquoi on ne te voit pas comment tu pleures? Mais la Bible nous dit qu'on pleure avec ceux qui pleurent. Quand tu pleures, il faut qu'on regarde bien tes yeux, on regarde, on dit oh, la sœur, il a pleuré, on pleure aussi. Et quand tu as mis ta main sur ta poitrine, qu'est-ce qui s'est passé justement? Quand cette voix dit de mettre la main sur la poitrine? Oui. Je sentais encore, puis j'avais les pieds qui étaient devenus froids. Bon, je sais pas. Ça va. Maintenant, le poids est parti, n'est-ce pas? Oui. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous, chacun de nous est sur son regard. Là, il se trouve en Italie. Des autres, vous vous trouvez en France, l'autre se trouve à quel endroit. Mais le Seigneur sait comment il travaille avec les uns les autres. D'accord, mes frères? Que le Seigneur vous bénisse. Marc, chapitre 11. Amen. Marc, chapitre 11, finalement, donc. Allons-y. Marc, chapitre 11. Verset 24 à 26. Qui va lire alors? Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Oui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mmh. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas vos offenses. Mes frères, je crois que ici, Jésus parle souvent en parabole, mais ici là, c'est clair au point où personne ne peut confondre ce qu'il a dit. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Donc ici, Amen. L'exaucement de la prière est intimement lié au pardon des offenses. Le Seigneur vient de nous apprendre là qu'il y a certaines prières qui ne peuvent pas être exaucées lorsque quelqu'un, vous avez quelque chose sur le cœur. Vous voyez que beaucoup de chrétiens vivent maintenant hors de la limite même des réponses des prières, ne comprenant pas que, en fait, ce sont ces principes-ci que Dieu a mis. Des gens croient qu'en allant donner, acheter l'huile de chez le pasteur à 2 millions, acheter le jet privé au pasteur, ça va faire dans un cas, le pasteur va aller devant Dieu, va dire que tu as vu quand même acheter le jet privé, exauce ses prières. Dieu n'est pas corruptible. Il n'a pas notre pensée de corruption. Il a juste pensé ses principes ici. Et il attend à ce que ces principes-là soient mis en pratique tel que cela. Donc le Seigneur dit ici dans ce verset 24, et c'est pourquoi il dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Puis il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, donc le Seigneur met en clair directement ici ce qui peut créer obstacle à la prière. Parce qu'en principe, ça voudrait dire que si le cœur est net, bien pur devant le Seigneur, on demande n'importe quoi, le Saint-Esprit témoigne dans notre cœur que vous l'avez. Ça, c'est clair. Mais comme il y a plusieurs autres voies et plusieurs autres chambres, vous savez, dans le temple, quand il y a le vendeur de pigeons, il y a l'échangeur d'argent, chacun crie haut et fort. Pendant que l'autre dit que mon pigeon est blanc, l'autre dit il y a tellement de voies. Entre-temps, le Dieu de la Bible peut être dans ce même temple-là, parlant aux gens dans le temple, parce que plusieurs voix étouffent cette petite voix douce du Saint-Esprit qui veut parler au travers de notre cœur. Et souvenez-vous, ne ratez pas cela. Là, le point de contact, c'est justement le cœur. C'est le lieu de contact là-bas où Dieu nous contacte. Si ce cœur a plusieurs voix qui va, c'est normal donc que nous ayons des cauchemars. C'est normal que nous soyons confus ainsi. Dieu ne veut pas que son peuple soit dans la confusion. Donc, il est temps qu'on fasse table rase avec toutes ces choses-là qui se trouvent dans notre cœur. Lorsqu'on parle comme ça, il ne s'agit pas seulement du pardon. Il y a des gens qui chérissent même le péché dans leur cœur. Il y a des femmes, par exemple, qui vivent avec les hommes mariés. Mais qui essaie de dire que non, je vais faire comment avec cela, mais en tient compte. Mais ils servent dans leur cœur sur le péché. Il faut que ces genre de choses soient dénoncées dans leur cœur pour qu'ils arrêtent instantanément. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose à remettre. Quand il s'agit du péché, quand le Saint-Esprit droite le péché, à cet instant, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, il n'y a pas de plus pire chose de gangrène contre l'amour que la haine, c'est-à-dire le manque de pardon. Et vous voyez ce qu'il en dit ici. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, au verset 26, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous avez compris, n'est-ce pas? Ça suppose donc que un péché que vous retenez contre quelqu'un que vous retenez dans le cœur, ça suppose que, quel que soit le péché que vous commettez, quand vous dites, Seigneur Jésus, ton sang est puissant pour nettoyer mes péchés, tu bavardes seulement ta part. Vous allez citer le verset de lui, ça ne marchera pas. Parce que l'acte du pardon de la Bible, parce que quand tu vas dire, le sang de Jésus qui me purifie de toute iniquité, c'est parce que la Bible le dit. Et cette même Bible dit en de l'autre côté que tu dois pardonner. En fait, tu dois pardonner parce que tu as besoin justement du pardon. Donc vous voyez effectivement qu'il est de notre intérêt de pardonner, pas de l'intérêt de la personne que vous avez gardée. Parce que si vous emprisonnez la personne, vous vous mettez vous-même sous le joug, la personne est emprisonnée, vous êtes emprisonné ensemble. Parce que ce jour-là, vous devez vous positionner, vous allez positionner là-bas, le Seigneur vous jugera pourquoi tu ne lui as pas pardonné, vous serez là-bas et la sanction, ce sera que c'est la Géhenne. Donc ne faisons pas ces choses. Matthieu chapitre 18 cette fois-ci. Matthieu chapitre 18. Quel que soit ce que votre conjoint vous a fait, je parle pour les couples maintenant. Quel que soit ce que Satan vous a fait, je parle pour les couples. Vous devez vous pardonner pas la qualité que le mari passe se coucher dans la chambre des enfants, la femme passe se coucher au salon. Après, quand vous passez, vous allez aux toilettes, chacun frappe la porte, ils entrent comme ça. Et quand vous sortez, vous faites comme Marie et Joseph. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. S'il y a n'importe quelle situation, déposez la Bible de côté, déposez tout ce que vous avez à faire. Parce qu'il n'y a rien de plus bon que la tranquillité à l'intérieur. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7 et suivant, qu'il faut que le mari et la femme soient dans un style de rapport doux là, pour que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Vous voyez effectivement que chaque fois qu'il y a le trouble, l'obstacle sera dans la prière. Parce que le Seigneur a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et réclament quoi que ce soit, ça leur sera fait. Il n'y a pas de deux personnes qui puissent s'accorder mieux que les mariés. Parce que c'est ta compagne, c'est ta personne, c'est la personne avec qui tu es, c'est ton intime. Donc il n'y a personne à qui tu peux partager mieux que ton épouse. Satan, connaissant ces règles-là, fait tout et tout pour créer des zizanies. Il suffit que le mari dise quelque chose qui ne plaît pas à la femme et subitement elle multiplie par 4000. Il suffit que la femme fait quelque chose que le mari ne veut pas et il tourne le dos. Et voilà donc les murmures à la maison. Frère, chez les païens, ça se passe, mais chez nous, ça ne doit pas se passer. Ça ne doit pas se passer. C'est le lieu par excellence de la mise en pratique de la relation Christ et Église. C'est le lieu en pratique, par excellence de la mise en pratique. Ne permettez pas à nos dieux. Écoutez très attentivement. Je crois que, gardez ce Matthieu chapitre 18 là, allons dans le livre des Colossiens maintenant. Merci Père. Merci Père. Merci pour ton amour pour nous. Colossiens, notez le livre de Colossiens chapitre 3 et puis Éphésiens chapitre 6. Colossiens chapitre 3. Livre de Colossiens chapitre 3. Quelqu'un peut-il lire les versets 18 à 21 là? Verset combien, frère? Verset 18 à 21 de Colossiens 3. Femme, soyez soumise à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Donc, oui, effectivement, que le Saint-Esprit s'est concentré ici sur le noyau familial. On donne ce que la femme doit faire, on donne ce que le mari doit faire, on donne ce que les enfants doivent faire. On traite relation femme-mari, mari-femme, père-enfant, enfant-père, là, dans ce passage-là. 18, et regardez encore, femme, soyez soumise à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Donc, il y a une convenance de soumission dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une manière que Dieu attend que les femmes soient soumises à leur mari. Chacun ne fixe pas sa convenance que quand il fait ça, je suis soumise. Trop, c'est trop. Ce n'est pas parce qu'il te soumise, respecte que tu vas marcher sur ma tête. Mais tu me connais même bien. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Et la Bible déclare, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Quoique, nous allons revenir avec l'enseignement femme modèle selon le Seigneur. Femme modèle. La femme modèle. Cette carte-là, rappelez-le cette dimanche si vous le voulez. On partage là parce que c'est une gangrène pour la société, une femme katakata. Bon, verset 19, Marie, aimez vos femmes. Ça, c'est un commandement. Vous voyez, ici, maintenant, le Saint-Esprit utilise encore une autre terminologie. Puis il dit, et ne vous aigrissez pas contre elles. Les hommes savent développer certaines choses dans leur cœur contre les femmes. Et un de ces jours, quand il y a un problème, vous voyez, elle pète les plombs. Il commence à dire que c'est ça, la goutte d'eau qui a de bas de vase. La dernière fois, tu as fait telle chose. Et pardon, tu as fait telle chose. Vous savez, les femmes là, quand les femmes prennent les cartes de crédit de leur mari, ils partent prendre là, pour acheter le sac. Elle a vu le sac là-bas. Sans dire au mari. Le jour où le mari apprend ça, et voyez ce qu'il arrive. Ne faisons pas comme ça. Soyons en harmonie. Soyons en harmonie. Ce n'est pas normal que la femme fasse quelque chose sans demander le consentement de son mari. Et c'est même, il doit soumettre à son mari pour que son mari donne la dernière décision. Le mari est le chef de la femme, pas en tant qu'autorité. Autorité comme Mobutu, Sese Seko, bien comme les dictateurs, non. L'autorité dont parle la Bible de l'homme sur la femme, ce n'est pas la dictature. C'est le respect des places des chefs pour pouvoir inculquer l'amour, la droiture, la justice Seigneur dans le couple, dans la famille. C'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas de dire que quand il prend, oh madame, quand il prend la décision, c'est toi qui m'as doté ou c'est moi qui t'ai doté. Quand il prend la décision, tais-toi. Ce n'est pas ça dont il est question. Ce n'est pas de cela. On va y revenir. Verset 20 dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Puis on dit, on revient maintenant, père, à votre tour dans ces cas-ci, n'irritez pas vos enfants, parce que si vous les irritez, ils vont se décourager. Donc vous voyez qu'il y a des parents, il y a parmi nous les parents, les gens qui ont grandi avec des parents, que quand vous entendiez les parents, vous entendez seulement sa voix, chacun courait dans la chambre, chacun fuyait pour aller se cacher. Parce qu'on dit, oh, son père est méchant. L'enfant ne doit pas considérer son père comme méchant. L'enfant ne doit pas avoir ces choses-ci. L'enfant doit être gay lorsqu'il entend la voix de son papa, il couvait son papa. Parce que c'est une amitié. Et là, le but du père pour l'enfant, c'est de transmettre le caractère et l'image du Père Céleste. La même façon que le Père Céleste a un rapport avec nous. Il ne nous traite pas comme un gourou, le Père Céleste. Et le Père donc a pour attribut, quand vous appelez Père, c'est un attribut de notre Dieu céleste qui donne pour répliquer la façon dont il agit avec ses enfants dans le foyer. Donc le foyer, c'est en miniature un espace vital pour représenter la relation entre Dieu et ses enfants. Et donc c'est pour cela qu'il a mis toutes ces choses par prophétie, pour que chacun joue un rôle particulier, pour qu'on puisse essayer d'appréhender comment il joue. Il joue avec nous, comment il marche avec nous et comment il veut que nous marchions. C'est le foyer, le lieu d'entraînement. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Matthieu chapitre 18, rentrons-y. Matthieu chapitre 18, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Dans tous ces enseignements-là, on va y revenir. Lisons les versets 21 à 35 du chapitre 18 de Matthieu. Nous disons dans le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Lorsqu'il péchera contre moi, sera-ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante, mais jusqu'à septante fois, sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler de ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme tu eus pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ a conclu lui-même là-bas. On dit qu'avec ce genre d'exemple-là, on t'a pardonné pour que tu puisses pardonner. Et remarquez bien que la personne qui refuse de pardonner, ça veut dire que c'est toi qui as la plus grande des dettes. Parce que cette personne, ça avait 10 000 talents à payer. Vous voyez? Et il part trouver quelqu'un qui a 100 déniers, c'est-à-dire que 100 jours de travail. L'équivalent de 100 jours de travail, il refuse de payer. Pourtant, il a 10 000 talents. Donc, souvenez-vous de ceci. Ce passage-là, une fois de plus, montre que si vous refusez de pardonner à quelqu'un, ça suppose que c'est vous qui avez le plus grand péché. Le péché en plus grand nombre se trouve de votre côté. Regardez ce qui est arrivé. On dit qu'il ne peut pas sortir là-bas jusqu'à ce qu'il n'ait payé le dernier cadran. Maintenant, Jésus dit que c'est ainsi, de la même façon comme on a traité cet homme-là. C'est ainsi que mon Père Céleste traitera chacun de vous si vous ne pardonnez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus grande des dettes nous a été remise. Ça veut dire que la plus grande des dettes nous a été remise. Et c'est avec la comparaison de ces passages-là, ça montre que quel que soit ce que quelqu'un puisse te faire, ça ne dépasse pas ce que nous avions offensé par rapport à Dieu. Il n'y a pas de poids. Je ne sais pas si vous comprenez. Le grand roi ici, c'est Dieu. Il nous a pardonné. Regardez, 10 000 talents par rapport à 100 déniers. Le rapport extrêmement important de comprendre que si Dieu nous pardonne, ça veut dire qu'il a ôté une dette assez importante, assez considérable dans notre vie. Et à notre tour, il attend à ce que, quel que soit ce que quelqu'un nous fait, la dette que nous avons, que quelqu'un nous doit, ne pourra jamais atteindre ce que Dieu a annulé dans notre vie. Et par conséquent, il dit, si vous ne pardonnez pas comme cet homme a fait, c'est comme ça qu'il va nous emprisonner. Et là, c'était une prison humaine où on pourrait sortir. Peut-être que cela pourrait mourir en prison. Ici, la prison que Dieu te met là-bas, on ne paie pas la dette là-bas. Tu es pénalisé par rapport à ce poids éternel. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on garde les dettes des gens sur notre cœur. Même au sorti de ces enseignements, il se pourrait que ce soit après que des choses, Dieu te dévoile les choses. Prenez du temps devant le Seigneur. La vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est la marche dans la persévérance et dans la patience. Soyez persévérants. Prenez du temps devant le Seigneur. Seigneur, y a-t-il des gens dans mon cœur que j'ai gardés et dont je ne peux pas? Vous serez surpris, mes frères, que des choses que vous avez faites et enfouies quelque part, vous avez pensé dans le... Dieu va le faire ressurgir. Vous allez être surpris que des personnes que vous avez gardées, vous avez pensé que vous avez oublié. Ah, Dieu va le faire ressurgir et vous montrer effectivement que vous étiez coupable devant de lui. combien le Seigneur nous aime au point où dans ces derniers temps, il nous montre ce genre de travail pour que nous nettoyons avec le coton là, nous nettoyons notre cœur pour que cette puanteur dont les excréments des péchés avaient laissé dans notre cœur puissent être extirpés, pour que la sainteté de Dieu apparaisse dans notre cœur et transparaisse dans notre vie. Ne permettons pas que de ces choses-là demeurent dans notre cœur. Il y a des situations, effectivement, que les gens peuvent vous faire, ils nous font souvent subir dans le monde, au point où, quand vous n'êtes pas chez Dieu, vous pouvez vous suicider. Il y a des gens qui ont pensé au suicide par rapport à ce qu'on a fait dans la famille. Vous pouvez penser au suicide, que pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi j'ai la malchance comme ça? Pourquoi si telle personne n'avait pas été là, je serais à ce niveau-ci? Mais souvenez-vous que vous êtes né par la grâce, vous avez vécu jusque-là par la grâce, et si vous êtes vivant, ce n'est pas par votre propre force. Il suffit que ce souffle-là puisse quitter et puis vous expier. Donc, nous vivons par la grâce. Que vous soyez chrétien ou pas, c'est par la seule miséricorde du Seigneur que chacun est vivant aujourd'hui. Et par conséquent, nous devrions lui rendre grâce en triomphant de toutes ces haines-là, en pardonnant les uns les autres. Ne permettez pas de chambre, ne donnez pas place dans votre chambre du cœur pour quiconque vous a fait n'importe quoi. Vous allez remarquer que lorsque vous allez parvenir à pardonner comme il se doit, quand vous allez pardonner à parvenir, votre corps même physique, au sens physique, sera léger. Vous allez remarquer que vous dormez tranquillement. Vous n'avez pas de palpitations. Je n'ai pas compris comment vous pouvez dormir comme ça avec quelqu'un que vous avez gardé sur le cœur, qu'il va voir. J'ai plié mon petit doigt. Redressez vos doigts. Vous avez plié. Vous avez plié n'importe quel doigt. Redressez-les. Redressez et pardonnez. D'accord, bien-aimé? 1 Pierre. Allons-y dans le livre de 1 Pierre maintenant. Premier épître de Pierre. Vous souvenez-vous, vous devez pardonner parce que vous avez besoin du pardon. Ce n'est pas la personne qui a besoin de pardon, c'est vous en premier lieu, parce que votre destinée est liée à cela. Votre destinée est liée intimement à l'amour et au pardon. Notez également Colossiens chapitre 3 encore, le verset 12 à 13. 1 Pierre. Le chapitre 3, verset 8. Vous y êtes. Verset 8 à 14. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 à 14. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez, ou au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voit des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés. Je crois qu'une fois de plus, ici, on n'a pas besoin d'explication. C'est dit de façon claire. Au verset 9 encore, il dit « Ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. » Donc, ce qui sortira dans la bouche des chrétiens, gardez-vous à l'esprit. Vous voyez effectivement que si vous travaillez votre cœur, vous passez le temps à travailler comme ça, ça sera naturel. Vous ne forcerez pas. Sinon, vous n'allez pas... Oh mon Dieu, allons dans le livre du psaume. Ah mon Dieu, c'est quoi aujourd'hui là comme ça? Psaume, allons dans le livre du psaume là. Psaume. Psaume 50, allons-y. On ne peut pas faire cela. On ne doit pas faire ça. Que notre Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Peuple de Dieu. Allô, mon frère. Qui veut parler là? La sœur Laetitia. On peut revenir justement à verset 10. Là. Celui qui veut aimer la vie va des joies veiller sur sa parole pour ne faire aucun mal par ses paroles. Oui. Enfin, je ne sais pas pour mes autres frères et sœurs, mais moi je sais que c'est... J'ai justement ça, mon plus gros travail, veiller sur ma langue. Oui. Veiller sur ma langue, et c'est par rapport à tout ça que j'ai fait le témoignage la semaine dernière, parce que on paraît chrétien, mais on se rend compte qu'on est toujours dans les mêmes moquerie. Et en écoutant l'enseignement, j'ai vu que ça venait du cœur, en fait. Et même, je ne sais pas si je peux appeler ça moquerie ou même commérage. Voilà, on pense que c'est banal, mais ce n'est pas banal. On vient de parler de quelqu'un, tu fais une petite remarque, et puis le Saint-Esprit te reprend en te disant, en fait, tu n'avais pas besoin de dire ça. Ce n'est pas une parole bénissante. Celui qui se croit religieux doit garder sa langue en bride. Et donc, qu'est-ce que tu dis aux frères et aux sœurs qui t'écoutent aujourd'hui? À demander, enfin, pour ma part, hein, mon travail au niveau de mon cœur, c'est vraiment que le Seigneur purifie mon cœur, qui puisse avoir que ça vienne du fond de mon cœur des paroles bénissantes, quoi qu'on puisse me dire, même si je me mets au milieu des voilà, même si autour de moi il n'y a que des païens qui prennent plaisir à dire du mal, à dire des paroles qui ne sont pas bénissantes, que moi je suis toujours, c'est que je ne parle pas pour faire plaisir aux autres. Et que si je parle, que ce soit des paroles bénissantes. Oui. Voilà. Et donc, vous voyez, donc, lorsqu'on n'est pas réformé à l'intérieur, justement, lorsque notre ego est touché, la réaction, ce sera de rendre. Que tu insultes qui? C'est ça. Je vais t'insulter, comme ça, on va te vendre même pour 5 francs, on ne doit pas acheter. Il y a des gens qui sont champions d'insultes. La bouche sort comme la mitraillette, 20 balles par seconde. Les femmes, alors, n'en parlons pas. Elle t'insulte comme ça, tu te regardes, tu te dis, mais c'est la femme qui me dit souvent que je t'aime là, de la même bouche. Elle te balance comme ça, tu confirmes que ça c'est la confirmation. Alors, on va y revenir, ne ferme pas dans le livre de Pierre, on va aller dans le psaume 50, puis revenir dans le livre de Pierre encore, le même livre de Pierre, on n'en a pas terminé, parce qu'il faut qu'on fasse des commentaires là-bas dans ce livre de Pierre que nous avons lu. Le psaume 50, vous y êtes? Lisons le verset 16 à 23. Qui va lire? Nous lisons dans le nom du Seigneur. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu n'énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta parole est avec des adultères. Et ta part est avec des adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Jusqu'à combien, frère? Jusqu'au dernier verset 23. D'accord. Voici ce que tu as fait. Je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te prendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je crois qu'une fois de plus, là-bas, il n'y a pas besoin de parabole, il n'y a pas besoin d'explication parce que ce n'est pas la parabole. Voici des gens, la Bible déclare qu'ils ils connaissent la loi de Dieu. Ils énumèrent la Bible, ils citent la Bible. Puis ils s'assoient quelque part, ils parlent contre son frère. C'est quand même terrible. Dieu dit en imitation, la Bible que tu as de dire là n'est pas en imitation par rapport à ça, n'est pas conforme à ce style de vie que tu as de vivre là. C'est ça qu'il a dit, que tu t'imaginais que je te ressemblais. La parole est pure. La parole est sainte. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est écrit que quiconque prononce ce nom-là doit s'éloigner de l'iniquité. Et là maintenant, tu t'assois. Tu prêches, tu parles, tu cites la Bible. Puis, 2 minutes après, quand la Bible est déposée, tu t'assois là-bas, tu insultes. Tu malparles de quelqu'un. Tu tires les gens les noms comme la fronde. Tu appelles Tchap, l'autre tire Da. Vous tirez Tchap, Da. L'autre tape de ce côté, c'est Da ici. On tire les noms des gens. Et puis là, Dieu dit, tu as fait ces choses-là. Il dit, il va te reprendre pour te mettre tout cela devant ta face. Donc, dans la méditation, c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit fait te faire réviser ce quelque chose que tu as fait. Vous pouvez passer. Et souvenez-vous, une fois de plus, et c'est là où le Seigneur est merveilleux, dans la rue, vous n'aurez pas toujours à rencontrer les chrétiens. Vous allez prendre les véhicules avec les mondains. Vous allez être dans le supermarché avec les mondains, dans tout le travail avec les mondains. Leur père, le diable, va utiliser son camp d'entraînement pour tester si oui ou non tu crois à la parole de Dieu. Quelqu'un va venir un de ces jours comme ça, commencer à t'insulter, t'accuser injustement au lieu de service, te faire des choses que tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec celui-ci? tu vas dire que oh oh, c'est pas parce que je me suis dit que tu te crois être tout permis. Je vais te gifler comme je les avais giflé les gens dans le temple là, tu vas voir. Vous voyez que ceci, quand ceci vous arrive, souvenez-vous bien que vous êtes à ce qu'on appelle les compositions spirituelles. C'est-à-dire le moment par excellence de savoir si oui ou non vous avez assimilé les cours bibliques. C'est à cet instant-là. C'est comme ça que vous composez. Lorsque vous restez un de ces quatre matins, on vous accuse. Le but de ces accusations, c'est voir si tu as assimilé que le Seigneur Jésus, lui, quand on l'accusait, il restait justement. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et là, maintenant, quand on va t'accuser, tu vas aller dans la Bible chercher les parties du psaume, on dit que chasse-les, Seigneur, brise-les dents, tue mes ennemis. C'est là que tu commences à chercher que j'envoie. La Bible n'a pas demandé qu'on prie contre les ennemis. Ça ne se trouve pas chez les chrétiens. La Bible a dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. En faisant comme ça, c'est le charbon de feu que tu consacres. C'est des lois spirituelles. Il ne peut pas manger quelque chose qui est de toi. Amen. Et la loi de l'amour le contraint à ne plus venir pour te détruire. Ça, c'est Dieu qui va le juger. Donc, souvenez-vous, la Bible dit dans ce psaume 50-là que si vous énumérez les lois de Dieu, vous citez la parole, vous ne pouvez pas haïr la vie de la parole dans votre cœur tout en citant la parole. Parce que ce qui sort de la bouche et ce qui sort du cœur doivent être identiques. Sinon, vous êtes des hypocrites. Un hypocrite, c'est celui qui ne pas se passer pour ce qui n'est pas. Si je vous dis là, mes soeurs, mes frères, je vous aime. Et que ce n'est pas vrai dans mon cœur, il n'y a pas plus hypocrite que moi. Parce que là, vous ouvrez votre cœur à moi, vous faites confiance à moi, et de l'autre côté, je sens de vous décevoir. C'est exactement ce que Satan fait avec nous. Quand il vous donne les choses du monde, ce n'est pas parce qu'il vous aime. En toile de fond, il cherche votre âme. Vous voyez qu'il n'y a pas plus hypocrite que lui. Donc ne limitons pas. Ne soyons pas comme lui. Tout ce qui vous arrive, ce sont des tests de la foi. Quand vous allez quelque part, vous voyez quelqu'un, vous faites du bien, les gens parmi vous, vous avez fait du bien aux membres de la famille. La récompense qu'on vous donne, ce sont les insultes. La récompense qu'on vous donne, c'est prendre vos noms en dérision. D'autres encore, on vous accuse, mais que vous êtes entré dans la sorcellerie. Ce n'est pas normal que ça arrive comme ça naturellement. Mais le but pour lequel le Seigneur permet que ça arrive, c'est pour tester votre niveau de cœur. C'est avec cette situation que vous pouvez tester à quel niveau votre cœur est allé. Lorsque des situations difficiles arrivent, ou bien les personnes en qui vous avez confiance commencent à mal parler de vous. Le but de ces choses-ci, c'est pour amener à votre connaissance pour vous tester si votre cœur peut pardonner lorsque vous vous dites du mal de vous. Donc, vous n'allez pas accepter. Si tout le monde dit du bien de vous, la Bible déclare que faites attention quand tout le monde va dire du bien de vous. Quand les gens disent du mal de vous, c'est à cet instant que vous devez vous intéresser. Vous devez vous intéresser à cette personne-ci. Vous dites, oh Seigneur, daigne-lui pardonner. Vous ne savez pas, il y a des choses que je ne peux pas dire pour ma vie. Je me mets à genoux chaque fois, je prie pour les gens qui mal parlent de moi, pour les gens qui m'insultent. Je prie que Dieu leur donne la miséricorde. Nous devions faire cela en étant vrai. En détail, à ce que vous voyez cette personne, vous puissiez le saluer en disant que Dieu te bénisse, mon cher, mais que ça soit vrai sur le cœur. Parce que on va toujours parler de vous, même si vous faites, Jésus lui-même en personne, il n'avait rien fait de mal. Mais on l'a accusé des choses, accusé de beaucoup de choses, qu'il a empêché qu'on paye même les impôts à César. Il n'y a pas un seul verset biblique où il a dit cela. Donc, et c'était le modèle pour nous montrer que nous devons marcher avec lui dans cette voie-là. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Rentrons dans notre 1 Pierre. Il y a le volume chez quelqu'un, il y a des bruits chez quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce que la personne doit fermer son micro? Vous y êtes, mes frères? Vous êtes là, il y a quelqu'un dont le micro est ouvert là, je ne sais pas la personne, je ne sais pas si c'est là, c'est Ophélie qui sont dans ce micro est ouvert ici. Et puis il y a des bruits, un peu de bruit là-bas. Le frère William, bonne arrivée. Le frère William, bonjour et bien, bonne arrivée ce dimanche. La sœur Diane, bonjour et bonne arrivée depuis Rennes. Elle allait préparer. 1 Pierre, vous y êtes? Le livre de 1 Pierre. Chapitre 2 cette fois-ci. Verset 19 à 24. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelque gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous étant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, pour la justice, lui duquel vous avez été guéri. Amen. Donc je crois que c'est là. Les gens vont dans la Bible pour prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Non, le Seigneur Jésus-Christ est un roi. Il faut que je sois roi. On dit qu'un exemple, c'est quand on l'a accusé injustement. Et il a souffert lui-même, nous laissant un exemple. On n'a pas dit l'exemple ici, c'est l'exemple de la bénédiction. C'est l'exemple de la souffrance. C'est l'exemple des fausses accusations. C'est l'exemple de la souffrance pour n'avoir rien fait. Voilà l'exemple qu'il nous a laissé. Et il nous laisse là pour que même si n'importe quoi nous arrive, qu'on puisse quoi, marcher comme lui. On dit qu'il ne faisait point de menaces. Il y a d'autres qui disent que mon ami, tu ne me reconnais pas, je suis un feu. Si je te parle là, je prie là comme ça, tu vas maigrir. Tu ne me connais pas même. Je vais te tuer même dans la prière. Suivons la main du Seigneur, je tue mes ennemis. Non, ne faisons pas cela. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas le cas, l'apanage des chrétiens ici. Donc, et la Bible nous dit ici que lui qui n'a point, verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc, dans sa bouche, il n'y avait pas de fraude. Pourquoi dans sa bouche, il n'y avait pas de fraude? Parce que dans son cœur habitait la parole. Et David lui-même dit, je sais ta parole dans mon cœur, de peur de prêcher contre toi. Donc quand la parole habite le cœur, ça va sortir tout naturellement. Et la parole entre dans le cœur par méditation. Ce travail que nous avons commencé, et le Seigneur nous a donné de commencer, le nettoyage va aller systématiquement, votre vie spirituelle va changer systématiquement. Vous allez continuer à travailler, vous allez vous rendre compte que des choses sur lesquelles vous étiez irrité. Il y a des gens que même seulement en entendant, vous marchez à côté d'eux, vous frottez la babouche au sol, il est irrité. Des bruits bizarres l'irritent seulement. Et donc là, vous pouvez être ennemi comme ça avec votre femme, ennemi avec vos enfants comme ça à cause de ces petits bruits. Le Seigneur va extirper toutes ces choses pour que la nature de Christ puisse s'établir sur le cœur. Quand c'est établi sur le cœur, vous serez exactement comme Jésus avec ses accusateurs devant. Le regardant face à face, droit dans les yeux, mentant, vous allez le regarder avec amour et miséricorde. C'est de ça dont il est question dans la Bible. La France dans la sainteté, rebonjour. Bonjour. Je vous aime. Ça, c'était l'introduction parce que nous posions la question. Le Saint-Esprit nous y a conduit là maintenant. Donc, il revient donc maintenant au bout du jour. Vous autres qui écoutez ces choses et qui mettez ces choses en pratique depuis, et pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore compris cela, il faut écouter la France dans la sainteté depuis la première partie et aller doucement pour bien comprendre de quoi il est question. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire aux gens de répéter ceci. Ce n'est pas, il s'agit de répétition. Non. Les choses que vous avez gardées sur le cœur, c'est entrer. Parce que vous communiez avec les choses du monde, petit à petit ça entrait et ça s'installait en vous sans que vous n'en sachiez comment. Des événements que vous avez eu à vivre tout autour de votre passé, à l'école, dans vos relations, ont installé des choses sur votre cœur à votre insu. Donc il faut nettoyer au fur et à mesure. C'est le but de ce nettoyage, c'est le but de tout cela. Donc il ne s'agit pas de réciter les versets bleus comme le mantra. Non, ce n'est pas ça dont il est question. Il est question d'ouvrir le cœur pour permettre au Saint-Esprit de faire son chemin dans le cœur et extirper du temple de Dieu ce qui ne doit pas être et installer son royaume dans le cœur. C'est de ça dont il est question en réalité. Donc si vous n'avez pas bien saisi le but, l'enseignement, il faut aller dans la France, dans la sainteté, depuis la première, numéro 1 jusqu'au numéro 7 ou numéro 6, je crois bien. En allant doucement, en assemblant doucement. C'est ô combien important, parce que si vous avez commencé ces exercices, vous allez voir effectivement que, initialement, un an, deux ans, vous pensiez que tout allait bien en tant que chrétien. Mais vous remarquez subitement que le Saint-Esprit vous met devant vous votre état du cœur et vous voyez effectivement que vous êtes lamentable. Là, vous posez la question maintenant. Si à cela deux ans, Christ Jésus rentrait, où est-ce qu'on en serait? Donc nous voyons effectivement comment Dieu est bon avec nous. Et nous, la Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 12, que l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Quel qu'en soit ce que nous sommes en train de faire, Dieu nous dirige sur la voie droite. Le psalmiste dirait dans Psaume 139, verset 24, que regarde sur la voie droite et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On doit examiner les voies, notre voie, chaque fois à la lumière de la parole de Dieu. Nous examiner. Nous n'allons pas caler à notre propre standard. Nous fixer notre propre objectif en disant que non, là, je crois que vraiment je suis arrivé, que je ne pêche plus. Si quelqu'un est saint, il doit se sanctifier davantage. Le niveau de sanctification doit augmenter chaque jour parce que Satan multiplie les objets du péché chaque jour. dont la purification, le nettoyage avec le Seigneur, c'est chaque jour. Et bien plus, il y a des choses sur lesquelles nous ne considérons pas comme péché. Lorsque le Saint-Esprit vient illuminer nos cœurs, vous commencez à voir votre vie comme Dieu voit, pas comme pas vous voyez. Parce que le standard, ce n'est pas à notre niveau, c'est à son niveau à lui. C'est vers lui que nous montons pour ressembler. Et par conséquent, son standard n'est pas terrestre, son standard est céleste. Alors tout ce qui se trouve dans la terre et qui peut nous limiter au standard de Dieu doit quitter de notre vie pour que nous montions au standard du Seigneur. C'est de ça dont il est question. La France dans la sainteté, bonjour le frère Christian. Bonjour. Frère Junior. Oui, ma soeur. Par rapport à tout ce qu'on est en train de partager là, je me rappelle il y a de cela quelques mois en arrière, justement comme tu parlais des gens qui servent même la famille dans le cœur. J'avais ma grande soeur, l'aînée de la famille, que je serrais tellement dans mon cœur, parce que c'est la personne à qui je faisais le plus de bien, mais c'est la personne qui me combattait le plus dans la famille. Donc du coup, même quand on parlait d'elle, mon cœur s'irritait, rien que le fait d'entendre sa voix, mon cœur s'irritait. Donc je la serrais tellement dans mon cœur, mon époux là, il peut témoigner, donc je ne pouvais rien dire de bien sur elle. C'est-à-dire, quand je dis que je la détestais, même comme j'étais chrétien, mais je la détestais vraiment par rapport à tout ce qu'elle me faisait, par rapport à tout ce qu'elle disait sur moi. Un jour, j'étais là, j'entends dans mon cœur, quand je pensais à elle, parce que je pouvais rester seul, je murmurais contre elle dans mon cœur. Tellement j'étais blessé. Un jour, j'étais assise là, et j'étais en train de murmurer comme ça. J'entends dans mon cœur qui dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, Quelle récompense en attendez-vous? Voilà. Donc cette parole est montée dans mon cœur. J'ai dit, waouh, ça veut dire quoi ça? Et du coup, je dis, mais donc, ce que je suis en train de faire, que je suis en train de détester ma grande soeur parce qu'elle me hait, parce qu'elle me calomnie, parce qu'elle fait des choses, alors que moi, je suis en train de lui faire du bien. Donc du coup, cette parole est venue dans mon cœur. Ça m'a délivré. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, mais tu sais pas ce que j'ai reçu. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais ma grande soeur que tu sais, que je déteste, qui m'énerve tellement. Voilà cette parole que j'ai reçue dans mon cœur. Et depuis ce temps, mon frère, parce qu'elle était même sur WhatsApp, je pouvais appeler tout le monde dans la famille, mais elle, je l'évitais toujours. Depuis ce temps, je suis tellement complice avec elle. Donc, j'ai commencé à l'aimer comme une soeur peut aimer sa grande soeur. Donc, peu importe ce qu'elle a pu me faire dans le passé, peu importe, mais j'ai commencé à ressentir un amour comme ça pour elle. Donc, c'est comme si cette parole m'avait délivré, en fait. Amen. Donc, tout ce ressentiment, toutes ces choses. J'étais la première que dès qu'on m'appelle pour dire elle a fait telle chose, je finis le tableau. Parce que je dis, ah non, elle encore et tout. Mais maintenant, quand tu veux me parler, je dis, non, elle est dans une balance, il faut laisser. Donc, c'est comme si je la prouverais, en fait. Bon, là, je te pose la question. Quand tu la détestais dans ton cœur, est-ce que toi-même tu étais à l'aise avec Non, justement, je n'étais pas à l'aise. C'est-à-dire, parfois, tu dors, tu te réveilles 2h, 3h du matin, tu te retournes sur le lit, tu te retournes parce que ton cœur est envahi de tous ces pensées-là, en fait. Donc, en fait, c'est normal. Tu l'as tellement attaché dans ton cœur que elle-même, elle bouge dans ton cœur. Quand elle bouge dans ton cœur pour être à l'aise, toi-même, tu n'es pas à l'aise. Comme l'enfant dans le ventre bouge dans le ventre de quelqu'un. Donc, souvenez-vous qu'on ne doit pas garder quelqu'un. Remarquez le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Si vous prenez votre Bible dans le livre de Jean au chapitre 8, vous allez voir un de ces trucs là-bas. On attrape une femme en flagrant délit d'adultère. On le présente devant le Seigneur, on la met au milieu. Les gens ont le caillou entre la main. En toute grande popularité, il lui pose la question. Maître, nous avons attrapé cette femme-ci en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a dit de lapider de telles femmes. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Sachant que Jésus était un serviteur, il savait que si Jésus était un serviteur, Dieu dit non, en obéissant à ce que Moïse vous a dit. Il les a pris à contre-pied, là où ils s'attendraient le moins. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur les a regardé la femme. Souvenez-vous, cette femme était effectivement coupable. Jésus leur a dit, parmi vous, celui qui n'a pas commis de péché, qu'il lance la première pierre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la personne qui condamne l'adultère a condamné le mensonge. La personne qui a condamné l'adultère a condamné la haine. La personne qui a condamné l'adultère a condamné le vol. Donc parmi eux, certainement, il y a des gens qui se fâchaient contre leurs frères. Il y a d'autres qui étaient des voleurs. Mais le voleur était prompt à condamner celle qui était adultère. Ne sachant pas que si le juste juge s'assoit, il va juger et le voleur, et le menteur, et l'adultère, ainsi de suite. Et répartit chacun selon le péché que tu as commis. Donc, autrement dit, le pécheur n'est pas en bonne qualité pour juger quelqu'un du péché. Parce que lui-même, il est pécheur, il est dans cet état-là. Et par conséquent, si nous disons à quelqu'un que je ne te pardonne pas, ça se pose que tu te fais office de juge. C'est toi qui décides de ne pas lui pardonner ses péchés. Voici pourquoi on doit laisser Dieu être Dieu et nous soyons ses créatures et ses enfants. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse vraiment. Pardonnez, pardonnez. Et j'invite chacun de vous. Comme tu disais, oui. On pardonne. J'arrive. Je peux raconter ce qui s'est passé, mais je ne suis plus irrité en fait. Voilà, j'arrive. Regardez, lorsque le Seigneur pardonne, c'est Dieu seul qui a la propriété du pardon. Mais je vais, avant de dire, d'expliquer ça, je voulais dire quelque chose. Vous tous qui avez irrité quelqu'un ou bien quelqu'un vous a irrité et que vous n'avez pas fait quelque chose pour eux, je vous invite au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous pouvez donner des offrandes, offrez-les des cadeaux, des choses. Mais laissez que la fête passe. Il ne faut pas que la personne croit que c'est à cause de la fête que c'est pour la passation de, que vous voulez passer une bonne année. Ce n'est pas pour cela. Attendez que la fête passe, appelez les personnes, saluez-les, demandez comment ils vont et puis offrez-les des choses. Vous allez savoir de quoi il est question avec la paix. Donc, concernant le pardon et l'oubli, quand vous pouvez, la propriété d'oublier n'est pas avec nous. La propriété d'oublier, quand vous entendez un prédicateur dire que non, pardon et oublier, ce n'est pas possible. Vous pouvez fermer une page sans pour autant oublier ce qui est dans la page. Vous devez seulement fermer la page, tourner la page. Vous tournez juste la page. Ça suppose que vous considérez le problème comme résolu. Mais quant à ce qui est de l'oublier, il suffit par exemple vous. Quand vous êtes maltraité quand vous étiez enfant et que vous, il y a du moment de votre enfance, il y avait un style de musique qui jouait dans cette période-là. Il suffit que vous passiez quelque part, vous entendez seulement cette musique et que tous les événements de votre passé reviennent à la surface. Le cerveau humain donc, est comme dans un système d'ordinateur où les dossiers sont stockés dans des endroits. Il suffit d'aller cliquer seulement dans la rubrique recherche et vous retrouverez le dossier de nouveau. Mais la Michée au chapitre 7, si vous lisez le verset 19, la Bible déclare que c'est Dieu seul qui a la partie, il l'appelle la mer de l'oubli. Il va jeter nos péchés dans la mer de l'oubli au point où, quand vous vous présentez devant le Seigneur, il vous considère, vous n'avez jamais péché. C'est ça le problème. C'est lui seul qui pardonne et oublie. Mais maintenant, comme tu viens de le dire, ma soeur, vous voyez la personne qui vous a volé, la personne qui vous a maltraité. Quand vous la voyez, à l'instant où vous fixez le regard sur lui, vous savez que c'est la personne qui m'a fait telle chose. Même si ça fait 50 ans, vous savez cela. Vous pouvez raconter l'histoire. Mais le problème se situe au niveau des ressentiments que se trouvent sur le cœur. Quand c'est enlevé et que la paix est là, vous allez regarder la personne. Malgré que vous vous souvenez de ces choses-là, vous ne pouvez pas le haïr. C'est ça le problème. Donc il faut vérifier sur le cœur, l'état du cœur. Notez Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. J'arrive là dans quelques instants. Galates chapitre 5. Notez Luc chapitre 6. Puis je laisse la parole au frère Christian. Il voulait parler. Notez Galates chapitre 5. J'arrive. Oui, mon frère, allons-y. Oui, en fait, c'est pour revenir parce que j'ai eu une conversation justement avec madame hier. Quand, par exemple, certaines personnes peuvent se permettre de dire que tel n'aime pas Dieu, tu vois, et ça revient toujours à ce que tu dis, hein, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Oui, parce que même Dieu peut aimer, c'est Dieu qui te donne la capacité de l'aimer, en fait. Mm. Parce que l'homme ne peut pas aimer. Parce que si la Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit sont contraires à ceux de la chair, et comme l'apôtre pouvait le dire, qui me délivrera de ce corps de péché. Ça veut dire qu'il y a la loi du péché qui s'exerce sur notre chair. Donc, quand quelqu'un se permet peut-être de dire que tel n'aime pas Dieu, c'est ça que j'expliquais à ma chérie hier, que je trouve ça absurde. Pourquoi? Parce que tout être humain est trouvé injuste devant Dieu. Comme nous dit le livre de Psaumes, toute la prophétie biblique nous dit que l'homme est injuste devant Dieu. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne la capacité à l'homme de pouvoir l'aimer. Eh bien, quand il nous donne la capacité à notre tour maintenant pour exercer la même miséricorde devant quelqu'un, on refuse. Donc, ça veut dire en clair, si un être humain, Dieu donne une seconde sa position à l'être humain de juger les gens sur la terre, vous avez vu ce qu'il a fait avec Jonas, a fait, non? Jonas a dit que tu m'envoies où là, les pécheurs là, tu les tous, dis donc. Ça veut dire que si Jonas était à la place de Moïse, à cet instant là, vous remarquez comment Moïse, on l'a insulté. La Bible déclare donc justement que Moïse était l'homme le plus patient qu'aucun être humain sur la terre. Oui, effectivement, l'attribut que Dieu lui donne. Donc, Moïse était dans une dimension avec le Seigneur au point où il pouvait comprendre. Regardez comment tout ce qu'il a pu faire pour les Juifs, tout ce qu'il a dû en subir. Mais il n'avait comme récompense que les insultes. C'est Moïse, cet homme, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Vous voyez, Moïse, c'est pas ce qu'on te disait ici, que tu dois nous faire perdre dans le désert. Tu es désorienté, qui te dit même que Dieu te parle. Ainsi de suite. Et vous voyez comment Moïse était calme. Au point où, lorsque Dieu discutait pour les détruire, et eux, ils n'étaient pas là. C'était quelque part où les gens même qui était concerné par ses péchés n'était même pas là. Il a dû intercéder au point de mettre même le nom, dans son nom qui est dans le livre en jeu, pour sauver le peuple juif. Un être humain. Il se dit, pardonne à ce peuple, sinon efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Il dit que si tu ne pardonnes pas à ce peuple, les Samalécites vont dire c'est parce que l'Éternel n'était pas capable de lui donner le pays qu'il a promis. Vous voyez, il essaie de raisonner Dieu. Au point là, il a obtenu gain de cause devant le Seigneur. Or, si c'était Jonas, regardez bien la tribu. Ça, ce sont les prophètes. Mais si c'était Jonas, on demande à Jonas que va à Tarsis là-bas, va prêcher à Ninive, la grande ville. Il y a au moins 5000 personnes là-bas. Demande d'essayer d'être encore 40 jours, Ninive sera détruite si vous ne vous changez pas de péché. Il dit que mince, qu'est-ce qu'il y a que les gens vivent dans le luxe chaque fois? On parle qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'aiment pas le monde, ils ne font que vivre. Tue-les! Or, Dieu avait dit à Moïse que permets-moi de détruire ce peuple et je suscite une postérité à partir de toi. Il savait en tant que prophète que Dieu ne peut pas dire quelque chose et se contredire. Il savait que c'est dans cette lignée, la lignée d'Isaac, que ça devait passer. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Et la lignée était déjà sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'il fallait seulement remédier ce qui les cause problème. C'est ce qui cause le problème qu'il faut enlever. Ce n'est pas les personnes. C'est ce qui pose le problème. C'est le problème. Le problème, il y a quelque chose qui cause problème. Homme au cou roide, c'est le cœur qui est le problème. Le cœur en dit, c'est le cœur en dit, il faut résoudre le problème du cœur. Sinon, pour cela, là, Ézéchiel 36, il prophétise qu'il va venir lui-même, comme vous le dites là maintenant, ôter ce cœur des pierres et mettre le cœur des chairs. Lui-même installer son esprit en nous, nettoyer notre corps, notre cœur, et de nous donner d'obéir à sa parole. Parce que s'il ne le fait pas, tout ce que vous faites là, c'est la religion. Si Dieu n'opère pas, tu vas faire n'importe comment. Un jour, tu vas te décourager et quitter la chrétienté. Tu vas dire que non, les chrétiens là, c'est même les histoires qu'ils racontent. Parce que Dieu n'a pas exercé sa miséricorde dans toi. Alors là, vous voyez effectivement que Moïse a dû mettre sa vie en jeu pour sauver Israël. Mais Jonas, lui, pour lui, il disait qu'on te fait tuer 120 000 personnes. 120 000 personnes dans une ville. On les tue, donc Dieu bombarde, il meurt. Une sainte postérité naît là-bas. Donc, soyons miséricordieux. Que notre cœur soit rempli de miséricorde. Que notre cœur soit rempli d'amour pour les êtres. Quand vous allez commencer à expérimenter ce que je suis en train de vous dire, vous serez dans un transport en commun, vous allez voir un homosexuel, vous allez l'aimer. Vous allez voir un homosexuel, vous allez l'aimer. Et la miséricorde va naître en vous, l'intercession. Vous allez aller n'importe où maintenant. Vous allez dire que yes, je vais pour voir le péché. Si vous fermez vos yeux comme ça, la même image que vous venez de voir avant de fermer les yeux sera à l'intérieur de vous. Vous stockez seulement dans votre cœur. Alors vous pouvez fixer le regard sur les événements de péché comme ça. Ça ne vous troublera pas à l'intérieur. Ça ne vous troublera jamais à l'intérieur parce que votre cœur est soumis au Saint-Esprit. On dit donc que vous allez marcher selon l'Esprit. Vous pensez quand Jésus-Christ marchait sur la terre, n'est-ce pas une femme prostituée qui est venue caresser ses pieds, laver ses pieds avec les cheveux autres là? C'est pas une femme prostituée? Au point où les êtres humains qui se croyaient saints disent que merde, un homme saint comme ça accepte qu'une prostituée la touche. Si c'est comme ça, c'est que ça dit que le type ce n'est pas normal. Mais le péché de cette femme, le péché de cette femme ne pouvait pas affecter parce que son cœur était dans la protection divine. C'est ça le problème, parce que le siège c'est là-bas. Mais ces personnes qui se moquaient de Jésus, ou bien ils criaient contre cette femme-là, à l'intérieur de leur cœur se trouvait ce même péché, l'adultère comme cette femme-là. Mais Christ était à l'abri parce que son cœur était le cœur de Dieu. Donc il faut que nous donnions place à Dieu pour que Dieu œuvre dans notre cœur. Le vrai problème humain se trouve dans son cœur, ce n'est pas ton semblable. Si chaque personne avait le cœur d'amour, chaque personne a le cœur d'amour, tu ne peux pas regarder quelqu'un l'envier, tu ne peux pas regarder quelqu'un le détester, tu ne peux pas vouloir qu'on te donne de l'argent pour que tu puisses monnayer quelqu'un pour tuer quelqu'un. Vous voyez, on ne peut pas faire cela. Donc le problème des gens, c'est dans le cœur. Ce n'est pas les êtres humains qui sont le problème, c'est ces problèmes-là, c'est dans le cœur que ça se trouve. La France dans la sainteté, bonjour encore une fois de plus. Bonjour. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Dans le livre de Luc, chapitre 6, donc, si vous lisez le verset 49 à 50, 46 en montant, la Bible déclare, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Donc si on appelle Jésus Seigneur, Seigneur, on doit faire ce qu'il dit. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a une musique là, je crois que c'est chez le frère Guy Richard. Je crois que c'est le frère Guy Richard, oui. Donc quand vous avez des bruits chez vous, veuillez arrêter votre micro. Alors la Bible déclare dans ce livre de Luc au chapitre 6, pourquoi? Prenez le temps de lire Luc chapitre 6 et vous voyez ce qu'il en est. La Bible déclare que si quelqu'un te prête, demande un prêt, tu lui donnes et tu ne réclames pas. C'est ce qui est dit dans la Bible. La Bible déclare que si quelqu'un dit que fais un mal avec moi, fais-en deux avec lui. Ne résiste pas aux méchants, dit la Bible. Donc si quelqu'un vient chez vous, porte votre écran plasma, dites-lui que vous avez oublié la télécommande. Monsieur le bandit, vous avez oublié la télécommande. Il y a même ma carte bancaire qui est déposée là-bas. On dit ne résiste pas aux méchants. N'est-ce pas, mes soeurs? Ou bien l'autre commandement? Mais frère, oui. Le peut parler là, c'est vrai. Oui, père. Mais si quelqu'un qui connaît qu'il est malhonnête, oui, et qui vient te prêter de l'argent, oui, connaissant que le Saint-Esprit a dit que celui-ci est malhonnête, est-ce, oui, que tu dois lui prêter? On a demandé de donner l'argent au malhonnête. Non, parce que si quelqu'un se présente devant toi, oui, et que, voilà, comme on dit que le mondain, tout ça, donc s'il vient et te dit, oui, moi c'est comme ça, je veux ça. Oui. Tu fais comment? Non, c'est pas automatique. C'est pas, la Bible ne dit pas que vous livrez vos biens à n'importe qui. Non, non, non. La Bible parle de la semence sur les différentes terres, n'est-ce pas? C'est pour dire que, regarde par exemple, comme la Bible, comme tout à l'heure nous avons lu dans le livre de quoi? Dans le livre de Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18 là. Il dit si ton père, ton frère péchait. Si la Laetitia, ça, ton micro bouge là. Que si ton frère péchait contre toi 7 fois le jour et revient vers toi 7 fois, tu dois lui pardonner. Alors maintenant, si tu as quelque chose comme ça, tu dis non, non, non, ça fait déjà 3 fois, déjà même jour, tu veux mettre demain pardon. Non, non, non, tu as exagéré, il ne pardonne plus. Vous voyez effectivement que ça veut dire qu'on peut être fautif. Parce que chaque jour, nous péchons devant le Seigneur. Et chaque jour, on demande au Seigneur, Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Si Dieu avait dit que okay, tu n'as pas de quantité de pardon, là, c'est dépassé. C'est, où est-ce qu'on s'en sera? Où est-ce qu'on en sera? Donc, en réalité, oui, frère, soit ça. Non, c'est non, le frère selon la foi oui. Ou selon le monde. Non, non, je suis en train de dire ceci. Par rapport à ce que tu en as dit, oui. Par rapport à cela, ça ne veut pas dire que chacun entre chez toi, que dans ma tête, tu donnes. C'est pas ce que la Bible en train de dire. Donc, lisons le livre de Luc, on va y revenir plus tard, d'accord? Maintenant, ouvrons le livre de Galates, chapitre 5, les versets 16 à 22. Voilà les Ivoiriens qui ont commencé à me persécuter ici, là, comme c'est leur heure déjà. Que Dieu vous bénisse, mais on passe du bon moment là ensemble. Tant que le Saint-Esprit ne demande pas qu'on arrête, on n'arrête pas. Amen. Voilà les gens qui sont là derrière pour la délivrance. Donc après vous, là, c'est la délivrance qu'on va entamer. Après la délivrance, on va continuer avec la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens qui sont derrière nous soient libres, n'est-ce pas? Amen. Donc souvenez-vous. Attendez d'abord, ma soeur. Souvenez-vous, là, on est en train d'avancer. On est en train d'avancer dans la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, l'esprit n'habite pas dans la chair, dans votre sang. L'esprit a pour lieu de résidence votre cœur. Le cœur est le moteur de toute votre vie. Et ça se trouve donc que c'est avant que le Saint-Esprit ne vienne dans notre cœur, on a hérité de beaucoup d'habitudes, de beaucoup de choses dans la société, dans notre éducation, de background, notre background que nous avons hérité dans le cœur. Il faut le nettoyage. Quelqu'un dit non, Seigneur, j'étais assis comme mon Seigneur, un sauveur. Il commence à lire la Bible, quoi que ça a commencé. Il n'a même pas encore commencé, même un chemin. C'est là qu'on commence à toucher le cœur, doit être le cœur, que vous comprenez effectivement que la vie chrétienne ne consiste pas en parole, mais avec action dans le Saint-Esprit. Et pour avoir l'action dans le Saint-Esprit, vous avez votre part à faire, votre responsabilité. Dans la chapitre 5, donc, verset 16. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est terrible. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est d'abord frappant. La façon dont le Saint-Esprit présente les deux tableaux. Pour ce qui est des œuvres de la chair, il parle des œuvres au pluriel. Pour ce qui est du fruit de l'esprit, il ne parle pas les fruits de l'esprit. Gardez-vous à cela, parce que beaucoup de chrétiens font cette erreur-là. Chaque fois en parlant, on dit que non, les fruits de l'esprit, c'est ceci. Ce n'est pas possible. C'est un seul fruit avec plusieurs goûts. Oui. Un seul arbre qui produit ces différentes manifestations. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas un esprit qui produit la longanimité, un autre esprit qui produit la tempérance, c'est le même esprit qui produit tout cela. Or, dans la vie humaine, le démon qui produit l'impuricité est différent du démon qui produit la jalousie, différent du démon qui produit la haine. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est plusieurs catégories de démons qui sont attachés à ces différentes œuvres-là. Mais quand est-ce qu'il y a de l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu, quand ça vient dans le cœur de quelqu'un, je suis en train d'aller ici parce que c'est ces choses-là que vous allez commencer à expérimenter. Les gens passent le temps en disant que Seigneur, donne-moi de manifester le fruit de l'esprit. Il faut qu'on arrête ces choses ici en milieu chrétien. Il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête. Il y a un travail de longue haleine à faire pour que ces choses se manifestent. Au chapitre 3, ici, il dit, mes enfants, pour qui je prouve encore les... nous sommes dans le livre de Galates. Pour qui je prouve encore des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, il faut que Christ... Christ, c'est l'esprit. Il faut que Christ soit formé en, dans leur totalité. Que ça, ça entre dans, plus, dans la pleine manifestation. Quand vous mettez un grain de maïs dans le sol... Et mon frère, tu veux parler? Oui. Bonjour. Oui. Voilà, il y a une question. Et depuis fort longtemps, enfin, je suis en train d'analyser et je crois qu'il y a aussi un frère en Christ qui à l'époque qui était avec nous. J'ai essayé quand j'ai lu ça. Et le frère, j'essaie de l'expliquer pour lui dire que, par exemple, tout ce qu'on a, la sœur vient de lire là, idolâtrie, magie, imité tout et tout, à chaque fois il y avait virgule. Oui. L'homme. Je lui ai dit, il faut qu'il y ait des virgules, veut dire qu'on doit beaucoup faire attention. Par exemple, idolâtrie. Mm. C'est le jeu de la chair, la magie. Bon, illimité. C'est des choses qu'on doit beaucoup faire attention. Et quand je lui ai parlé de l'envie, je lui ai demandé. Oui. L'envie, c'est quoi? Bonne question. Et je lui ai demandé, il m'a dit seulement qu'il ne faudrait pas que je considère ça et que de négliger. Parce que je lui ai dit souvent, on a l'envie de dire que j'ai envie de manger. Exact. J'ai envie de dormir. Quand le Seigneur a dit que tous ces trucs-là ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Exact. Alors, pour moi, savoir, effectivement, tu peux m'expliquer un peu l'envie, cette envie qui est écrite là. Voilà. Bonne question. Voilà, nous passons dans un bon dimanche aujourd'hui. Vraiment un bon dimanche. Mettons donc le doigt là-bas. Amen. Mettons donc le doigt là-bas. Ouvrez titre au chapitre 3. Ok. Vous voyez, quand l'esprit se meurt comme ça, ça me permet de bien enseigner. Amen, amen. Le livre de Tite, chapitre 3. C'est toi-même qui vas lire le verset 3 de ce titre-là. Qu'est-ce que ça dit? Tu peux lire là, si l'écriture n'est pas assez grande ou petite là. Au nom de Jésus, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à tout bon œuvre. De ne me dire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et cruauté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais alors, oui, non, c'est bon. Remarquez très attentivement, le verset 3 parle encore. Il dit que nous vivons dans la convoitise et des voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, oui, digne d'être l'envie. Et nous haïssons les uns les autres. La Bible, de façon littérale, dit que les envies sont des péchés. Et tu fais bien de le signaler. Mmh. Il y a, comme on a dit de parler, il y a beaucoup de réformes que les chrétiens doivent faire. Beaucoup de réformes. Parce qu'on a beaucoup emprunté du vocabulaire français où on dit n'importe quoi. Regardez par exemple en France, les gens disent naturellement adorer en utilisant n'importe quoi. Vous entendez, est-ce que tu aimes la nana? Ouh, j'adore. Il adore dans la nana. Ouh, est-ce que la fleur, la rose, est-ce qu'il peut te garder la rose, la fleur, la rose? Oui, j'adore les roses. Ouh, j'adore les roses. Voilà ton épouse à côté. Oh, ton nez là, j'adore ton nez. Donc son nez, elle son Dieu. La rose est son Dieu. Il adore n'importe quoi. Or, le mot adorer a été créé. Le mot adorer a été créé uniquement pour Dieu. Mm. Quand le diable est venu tenter le Seigneur, il a dit, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Il a dit, non. L'adoration, c'est uniquement Dieu qu'on doit adorer. C'est comme ça qu'il est écrit. Donc, maintenant, les gens commencent à dire, non. Quand il dit adorer, il voulait dire aimer. Il faut dire aimer. Aimer, c'est aimer. Adorer, c'est deux choses différentes. Donc, on voit effectivement qu'il y a tellement de choses dans les êtres que l'expression de ce qu'on devait manifester à Dieu se trouve mise dans les objets parce que c'est la soif d'enquérir des choses concernant Dieu. Et par conséquent, on met les choses qui concernent Dieu n'importe comment. Et donc, maintenant, on se trouve, donc même les chrétiens disent maintenant, j'ai envie de. À l'instant où tu dis, j'ai envie de, tu as envie de vivre dans le péché. Parce que c'est en contraste maintenant par rapport au désir. Parce que la Bible est spécifique, comme nous sommes en train de voir justement, là, sa catégorie, l'envie maintenant, dans le cadre du péché. Donc, il faut que, je veux que nous tous, nous tapons nos bouches en disant que je ne dis plus, j'ai envie. Tapez vraiment ça pour que ça reste là. Tapez votre bouche. Je ne dis plus que j'ai envie. Oui, voilà. Je ne dirai plus que j'ai envie. Vous voyez? Amen, amen. Donc il y a le langage, il y a ce langage, il y a le langage comme je m'en vais à l'église, il faut qu'on parte à l'église dimanche. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne part pas à l'église. Il n'y a pas d'église où partir. Voilà, parce que l'église c'est un corps, ce sont les êtres humains. Et donc toutes ces choses, il faut qu'on change. Il va falloir qu'on admette qu'on change. Mais maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit interpelle par envie? Parce qu'il faut qu'on définisse ce que lui il a en train de dire pour comprendre le pourquoi il a en train d'appeler ça péché. Parce qu'il cite ça parmi, justement, comme tu as signalé. Excuse-moi. Oui, moi, sœur. À la place de j'ai envie, qu'est-ce qu'on a dit? Donc je désire. C'est désir, c'est exactement, c'est exactement cela. Regardons dans le livre de 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens. Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 14. Vous y êtes? Nous sommes. Regardez l'apôtre au verset 5 du chapitre 14 de Corinthiens. Il veut que vous lisiez. Qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons dans le nom du Seigneur. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Voilà. Mais en disant, qu'est-ce qu'est le mot qu'il a utilisé? Je désire. Tu as compris, la sœur Laetitia? Il n'a pas fait cette erreur-là. Vous ne pouvez pas entendre les apôtres par le Saint-Esprit faire une erreur de langage. Il ne peut pas faire cela. Vous ne pouvez pas voir que quelqu'un dit que je viens à l'Église. Non. Tout est mis à la place qu'il faut. Mais aujourd'hui, on a tort et à travers. Et ça rejoint ce qu'il t'en a dit aujourd'hui, que nous avons grandi dans les milieux, infestés dans les milieux où nous disons n'importe quoi, faisons n'importe quoi. Vous voyez même un chrétien par réflexe en disant n'importe quoi, il dit je te le jure, le Seigneur est bon. Par réflexe, il dit ça. Mais sa Bible dit que ne jurez point. Et pourtant, on jure en levant même les deux doigts au ciel. Et la Bible, Jésus a dit ne jurez ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Ni par la terre, parce que c'est son marche-pied. Ni par votre tête, parce que vous ne pouvez rendre ni blanc, ni noir, un cheveu. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Donc en clair, ni jugez nullement. Mais si vous voulez dire quelque chose, que votre oui soit oui et votre non soit non. Donc en tant que frère, si vous dites quelque chose, vous devez penser. Oui, mon frère. Désolé de couper en fait. Oui, vas-y. J'ai une question en fait. C'est que tu as dit, on n'entendra jamais les apôtres parler par le Saint-Esprit, faire une erreur de langage. Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Du coup. Si quelqu'un, par exemple, on suppose qu'il prophétise oui. ou quoi que ce soit, il parle par l'esprit, il est censé parler. Donc, il ne doit normalement pas se tromper dans le langage ou les mots qu'il utilise. Absolument. Ouais. Chapitre 12 des 1 Corinthiens. Allons-y au chapitre 12 des 1 Corinthiens. Regarde ce qu'il dit là-bas, par exemple. Verset 3, qu'est-ce que ça dit? C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc vous voyez effectivement que même pour connaître, placer Jésus-Christ dans son attribut, il faut que le Saint-Esprit te pousse à le faire. Et il dit que le Saint-Esprit ne peut pas parler par erreur et faire une erreur sur Jésus, sur la personne de Jésus. Parce que la personne de Jésus est la révélation même de Dieu. Et ici il dit que si quelqu'un parle par l'Esprit, il ne peut jamais dire que Jésus est maudit. Comme les gens le disent aujourd'hui, que Jésus qui quitte la croix était un maudit, ainsi de suite. Ils le disent à haute voix, avec des involtures. Donc, le Saint-Esprit vient pour conduire les gens dans la vérité. Sinon, comment pensez-vous que l'apôtre Paul, je crois que dans un enseignement, j'en ai parlé sur l'église. Regardez comment les gens disent aujourd'hui. Je prends un exemple simple que vous cessez sur le ce danger-là. Vous êtes par exemple en France. Nous voici au Cameroun. Vous allez voir quelqu'un dit, prions pour l'église de la France. Il n'y a pas une église en France. Dans le plan de Dieu, dans le plan spirituel, il n'y a pas une église en France. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Mais il y a une église à Paris, il y a une église à Bordeaux, il y a une église à... Je ne sais pas si vous parvenez à me comprendre ou bien vous me saisissez. Non, après ça, dit. Ok. Si vous ne comprenez pas, vous me dites, j'explique bon ce que ça nous dit. Il parle de ce langage-ci. Ce type de langage, nous, on tord aujourd'hui à tort à travers. Prions pour l'église de... la sœur Kétia, bonjour et bienvenue. Bonjour. Toujours fidèle au retard, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Oui, oui. Mmh. Oui, oui, désolé. Tu es très fidèle au retard. Bon, à tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire, donc, vous voyez que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vous dites, comme les gens le disent de façon vulgaire aujourd'hui, que prions pour l'église au Togo, prions pour l'église du Nigeria. Vous voyez, même les pasteurs le disent et le disent n'importe comment. Ça ne peut pas s'effacer parce que dans la Bible, il n'y a pas ce langage-là. Parce que dans un pays se trouvent les églises. Dans une région se trouve l'église de cette région-là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, cette erreur-là, on ne peut pas le tolérer. Et ça, il faut que ça soit corrigé. C'est parce que la mentalité des gens, c'est que dès le départ, on a été inculqué que l'église, c'est un bâtiment, c'est un lieu. C'est ça le problème. Il était enseigné que le type même de l'église, selon le Seigneur, les gens ne connaissent pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, par exemple, en France, il y a les églises. Il y a les églises. Quand vous allez lire, par exemple, ouvrons la Bible, pardonnez-moi, je vais vous montrer quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. C'est le langage, ça va prendre. Donc, mon frère, par rapport à l'envie, je crois que on va travailler là-dessus, principalement la semaine prochaine, plaise au Seigneur, pour que nous comprenions cela en profondeur, d'accord? Gardons cela entre parenthèses. Mais souvenez-vous, on a lu Galates chapitre 5, chapitre 5, là, je voudrais dire quelque chose là-dessus avant qu'on en ait allé dans cette direction-ci. Mais je vais y revenir tout à l'heure là. Lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Ah. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, qu'est-ce que ça dit? Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voilà. Donc, le début du verset 2 dit quoi? Le début du verset 2. Allons-y. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Stop. Donc, vous voyez que ici, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, à Corinthe se trouve l'église de Dieu. Ce n'est pas une dénomination qu'on a construite à Corinthe. Donc, il a de parler aux chrétiens qui sont dans la ville de Corinthe. Donc, dans cette ville de Corinthe, cette lettre s'est adressée à tous ceux-là. Que vous soyez individuel, n'importe où dans sa maison, ça vous concerne, c'est à vous qui l'adresse dans son ensemble. Maintenant, ouvrez le livre de Galates. Vous y êtes? Maintenant, verset 1, qu'est-ce que ça dit? Verset 1 et 2. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni des hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Comment cette fois-ci il traduit? Il a écrit ça comment? Aux églises. Aux églises. Vous avez remarqué que c'est le pluriel maintenant, n'est-ce pas? Oui. Regardez le verset 22 et 23. Oh, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elle avait entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors à détruire. Voilà, remarquez très attentivement, vous avez vu maintenant que quand il a parlé de Judée, comment il a utilisé église? Au pluriel. Au pluriel. Mais pourtant, il parle des églises de la Judée. Tout à l'heure, il a plutôt dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Vous voyez là, n'est-ce pas? Maintenant, allons dans 1 Corinthiens chapitre 16. Maintenant, et puis je vais arrêter là-bas et puis je vais parler. Verset 1 de chapitre 16 de 1 Corinthiens. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc chaque fois qu'elle a parlé de Galatie, l'église est où? Au pluriel. Au pluriel. Maintenant, je vous pose la question. C'est là où vous commencez à voir la chose. C'est pour ça que quand vous n'avez pas l'image de Dieu, la pensée de Dieu, vous ne pouvez pas prêcher sa volonté. Parce qu'à partir de là, elle révèle la volonté de Dieu. Vous commencez à regarder. Quand vous regardez maintenant la Galatie, maintenant, c'est toute une province. C'est une province romaine. Si vous avez les cartes de bibliques de cette époque, vous allez voir que c'est une vaste province. Vous voyez, dans une vaste province se trouvent donc les différentes assemblées locales dans les localités. L'ensemble des localités que forment cette province-là constitue en chacun pour sa part une église. Donc, dans la totalité maintenant, on parle donc maintenant des églises. L'apôtre Paul ne fera jamais l'erreur en disant que les églises de Corinthe, non, jamais. Il ne fera jamais l'erreur en disant que l'église de la Galatie au singulier. Il n'appellera pas l'église de Corinthe au pluriel, il n'appellera pas l'église de Galatie au singulier, il n'appellera pas l'église de Jérusalem au pluriel, il n'appellera pas l'église de Thessaloniciens au pluriel, il n'appellera pas l'église d'Antioche au pluriel, il n'appellera pas parce qu'Antioche est une petite localité. Donc l'église prend le nom de la localité et la localité limite l'église. Vous voyez là ce qu'il en est, n'est-ce pas? Voilà les petits, les B.A.B.A. des choses de la Bible qu'on ne connaît pas, on dit n'importe quoi. Que nous allons aller en Côte d'Ivoire prêcher à l'église de la Côte d'Ivoire, nous prions pour l'église de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une église à la Côte d'Ivoire, il y a les églises à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire c'est tout un pays qui est divisé en provinces ou en régions. Chaque région, dans chaque région, il y a les différentes localités. Vous voyez par exemple, si nous prenons le cas d'Abidjan, on va dire maintenant l'église de Dieu qui est à Abidjan, l'église de Dieu qui est à Boaké, l'église de Dieu qui est à dans une autre localité. C'est l'église, les différentes églises donc, forment la totalité des églises de la Côte d'Ivoire. De telle sorte que si quelqu'un habite la Côte, dans la Côte d'Ivoire, il est un chrétien. Dans la limite géographique d'Abidjan, il appartient à l'église d'Abidjan. Que vous soyez dans n'importe quel endroit, à l'instant où vous êtes dans le territoire de la localité Abidjan, vous appartenez à l'église d'Abidjan. Si vous quittez Abidjan, par exemple, pour aller à Boaké, à cet instant-là, vous intégrez l'église de Boaké. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Vous êtes avec moi? La France dans la sainteté, vous êtes avec moi? Ou bien c'est la connexion qui dérange? Le seul ami qui me comprend. Le seul ami qui me comprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Le seul qui peut me dire je t'aime. La connexion, ça s'est rétabli là. Vous m'entendez? Je crois que la connexion dérange un peu là pour la France de la sainteté. Sa parole me renferme, sa parole. Quand devant l'épreuve je suis con. Devant l'épreuve je suis con. Pendant que l'épreuve creuse ma dent. Pendant que l'épreuve creuse ma dent. Jésus me tend sous mes amours. Que on a, vous savez, nous n'avons pas l'illimité comme vous autres. Mais de toute façon, grâce au rendu au Seigneur, que ça soit rétabli. Donc nous voyons effectivement que les apôtres ne faisaient pas l'erreur en appelant dans les appellations de l'église. Donc j'étais en train de dire, avant que la connexion ne soit interrompue là, que quelqu'un qui se trouve à Abidjan, s'il quitte Abidjan pour Boaké, lorsqu'il franchit la limite de Boaké, il appartient désormais à l'église de Boaké. De la même façon, si quelqu'un quitte maintenant du Cameroun pour la France, lorsque l'avion atterrit en France, désormais il appartient aux églises de la France. La région va aller, si pas à Toulouse, il appartient à l'église des dieux qui se trouve à Toulouse. Donc vous voyez effectivement qu'à cet instant-là, il n'y a pas de murailles. L'ensemble des chrétiens de Toulouse, il en fait partie. S'il y en a deux personnes à Toulouse qui sont véritablement chrétiens des dieux comme Dieu le veut, alors quand la Bible parle de l'église des dieux qui est à Toulouse, c'est à ces deux-là qu'on s'adresse. On ne s'adresse pas aux dénominations. Voilà, je crois que vous avez saisi. Si vous êtes dans un village, et que vous êtes le seul chrétien, quand Dieu parle de l'église de cette localité-là, c'est de vous dont on parle. Oui, mon cher, mes chers. Quelqu'un a-t-il des questions encore? J'ai une question, en fait. Oui. Par rapport à ça, en fait, j'ai suivi un témoignage d'une personne qui aurait une expérience, en fait, avec le Seigneur. Oui. Et le Seigneur lui avait montré l'assemblée, ou disons l'église entre parenthèses, là où il allait avec son pasteur et d'autres églises. Donc c'est comme si en fait il y avait le nom des églises qui étaient écrites comme sur un tableau et un ange qui lui disait voilà, ça c'est une bonne église, ou bien ça c'est une église voilà que peut-être le Seigneur y est là où le Seigneur n'est pas. Mais en fait, mais en gros, c'était en quelque sorte, bon, des dénominations, je sais pas si je veux dire ça. Oui. Mais en tout cas, c'était reconnu, voilà. Donc, comme si c'était reconnu dans le ciel. Bon, on sait que normalement, les dénominations, c'est des hommes. Du coup, ça me pose un problème par rapport à ce que tu dis. Galates chapitre 1, le verset 8 et 9. Donc, vous pensez qu'on va aller aussi, on va avoir une portion, par exemple, de l'église des saints du dernier jour. Mais on va notre plan là-bas, l'église des rachetés. Il n'y a pas de telles bêtises humaines lâchées là-bas au ciel. Parce que Dieu n'a jamais laissé ça dans la Bible. Donc, que Dieu vous bénisse. Galates chapitre 1, le verset 8 et 9, qu'est-ce que ça dit, mon frère? Allons-y. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncera un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Les anges de la Bible ne faisaient pas d'erreur lorsqu'ils venaient transcrire l'enseignement biblique. Lorsqu'ils venaient donner une explication biblique, ils ne faisaient pas l'erreur par rapport à toute autre chose qui s'est passée. Lorsque vous allez voir la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc au chapitre 24, la Bible nous déclare que lorsque les femmes sont allées le matin, le grand matin, pour trouver, pour aller loin de Jésus avec les bombes qu'elles avaient faites la veille, c'est qu'ils sont venus, elles n'ont pas trouvé de corps, elles ont trouvé deux hommes. Et les deux hommes ont commencé à dire, souvenez-vous, lorsqu'il vous parlait, lorsqu'il était en Galilée avec vous, il vous disait que après la résurrection, il vous précéderait en Galilée. Or, les anges n'étaient pas là physiquement, mais ils disaient littéralement ce que Jésus-Christ leur disait. Les anges ne feront pas d'erreur. Les anges, quand ils viennent transmettre un message biblique, ils ne peuvent pas faire l'erreur par rapport au verset biblique. Parce qu'ils les connaissent véritablement. Ils connaissent la parole. En fait, ils n'ont pas autre chose que la parole. Quand ils viennent avec la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il peut commenter maintenant Galates chapitre 5. Amen. Maintenant, quand la Bible, à moins que quelqu'un encore ait des questions, je crois que ma connaissance commence à être mentale là. Quelqu'un a-t-il des questions encore? Oui. Oui. Qui a la question? Dans l'Apocalypse 22. Oui. Le Seigneur qui va rendre à chacun ses œuvres. Oui. Là, comme la parole dit qu'on n'est pas inspiré par les œuvres, je veux savoir de quelle œuvre on n'est pas inspiré. Voilà, merci encore pour cette question. Je ne sais pas si la connaissance peut me parler de développer encore ceci. Vous me suivez attentivement? Amen. Pourquoi cette connaissance est devenue lente comme ça? Je ne sais pas si vous me voyez ni si vous me suivez. On ne te voit pas, mais c'est pas bon. Ok. C'est pas mon frère. Ok, c'est bon. Donc, effectivement, dans cet Apocalypse, au chapitre 22, notez également le livre de Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, le verset 10, notez, concernant cette question-là. Vous y êtes? Nous sommes. Notez également le livre de Apocalypse, chapitre 2, cette fois-ci, les versets 18 à 23, notez. Oui. Voilà, vous avez noté, n'est-ce pas? Notez maintenant le chapitre 20. Oui. Le chapitre 20 d'Apocalypse, verset 11 à 15. Verset 11 à 15. Et c'est là où nous allons commencer, dans ce Apocalypse chapitre 20. Pour répondre à la question de notre sœur. Notez également Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 9 à 10. 9 à 10. Oui. Dès que vous êtes prêts, maintenant on lit. Amen. Ok. Apocalypse chapitre 20. Prenons le verset 11 à 15. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui garde. Ma soeur, tu es dans quel passage? Chapitre 20 d'Apocalypse, versets 11 à 15. Pas au chapitre 13, d'accord? très ici. Allons-y, ma soeur. Oui, c'est bon. Puis, je vis un grand tremblement, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus troublé de la place pour eux. Et je vis des morts, des grands et des petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent des morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Voilà. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà. Maintenant, gardez ceci à l'esprit. Ne fermez pas le livre d'Apocalypse. Ouvrez le livre de Matthieu, chapitre 16. Ouvrez le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Les versets 25 à 27. 25 à 27. Car celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà. Maintenant, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre. Il n'y a plus une autre personne qui peut lire tout le monde. Là, vous avez abandonné ça à la sœur. Là, vous lui donnez la peine comme ça. Personne ne peut aller voir les frères là-bas. D'autres ont porté les verres. D'autres sont fatigués. D'autres nous montrent seulement leurs pieds. D'autres sont couchés carrément. Elle exerce sa voix, frère. Ah, elle exerce sa voix. Éphésiens chapitre 2, versets 9 et 10. Je vais lire. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ça, c'est la version Semeur, n'est-ce pas, ma sœur? Tout à fait. Voilà. Donc, dans la version Louis II, la Bible déclare que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas la grâce, pas le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et la Bible déclare au verset 10, donc nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Gardez bien ceci à l'esprit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour, donc on se trouve en Jésus-Christ pour une pratique d'œuvres bonnes. Or, on a déjà réglé le problème de cette œuvre-là dès le départ, que ce n'est pas à cause des œuvres qu'on est sauvé. Donc, ce n'est pas le problème des œuvres qui nous fait être sauvés. Le problème, c'est que quand on est sauvé maintenant, il y a une vie conséquente. Notez Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Notez Jacques chapitre 2. On va y arriver maintenant. Mais avant d'aller dans Jacques chapitre 2, faisons un détour cette connexion-ci. Vous m'entendez toujours? Toujours, papa. Merci beaucoup. Avant de faire un détour dans Jacques, passons dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Qu'est-ce que ça dit, les frères? Vous y êtes? Alors j'entendis une voix du ciel qui me disait, écris, bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, c'est vrai, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, il y a les œuvres chrétiennes qui vont parler ces jours-là. La récompense, quand Dieu a donné des choses qu'on doit faire, il va récompenser la fidélité. Donc, lorsqu'il faut faire la part des choses, lorsqu'on a de traiter les choses chrétiennes, parce que les gens, quand vous venez faire quelque chose, on dit non, on n'est pas sauvé par les œuvres. Il n'est pas question en milieu chrétien d'être sauvé par les œuvres. Tout le monde sait cela. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est sauvé, justement, il y a une vie digne qui présente qu'on est sauvé, effectivement. ces œuvres-là, c'est la façon dont on marche avec le Seigneur. Et de telle enseigne que c'est prise en note et prise en compte dans des livres, comme on a dit dans le livre de l'Apocalypse. On dit qu'on va juger les actions des hommes là-bas. Dans Romains chapitre 2, verset 6, l'apôtre Paul en fait encore état. Dans Jérémie chapitre 32, on en fait état. Jérémie chapitre 10, chapitre 17, verset 10, dont je vous ai donné, on en fait état par rapport à toutes ces choses-ci. Qui jugera les actions même secrètes des hommes, comme l'apôtre Paul dit au verset 16 du chapitre 2 de Romains. Maintenant, lisons le livre de Jacques au chapitre 2. Allons-y voir. Je crois que ça va être clair là-bas et là. Donc, ma soeur qui pose la question, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour faire les œuvres dont on a prévu faire. Dont Dieu a prévu qu'on fasse. Si quelqu'un n'est pas sauvé, tu restes derrière, tu dis que non, j'ai nourri les orphelins. Il faut que pas regarder les orphelins. Ce que tu fais là, c'est pour toi et ta famille. Il faut d'abord être sauvé. Puis maintenant, tu fais les œuvres. Regardez bien, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Lorsqu'on se trouve en Christ, on dit pour. On est en Christ et puis pour. Les bonnes œuvres maintenant, pas n'importe quelle œuvre. Notez également, vous voyez, vous parlez, ça ne fait que venir là. Notez Tite chapitre 3, on va arriver maintenant. Notez Tite chapitre 3, verset 8. Vous y êtes. Donc après, Tite chapitre 3, verset 8. Après Galates, enfin, après Jacques, là, on va dans ce titre-là. Maintenant, Jacques chapitre 2, verset 14 à 17. À 19 même. Hein. Allons-y. Jacques. Mes frères, que servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que les servira cela? De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dirait, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Amen. Amen. Puis dit, Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est très bien. Non, parce que quelqu'un va te poser la question, tu crois en Dieu, ma chère? Dit, oui. Je crois en Dieu. Vous croyez en Dieu plus que les démons? Vous voyez, mais la preuve de notre vie pratique des chrétiens montre clairement si nous avons cru au Seigneur, oui ou non. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Chapitre 3. Le livre de Tite au chapitre 3. Vous y êtes? Tite chapitre 3, verset 8. Verset 8. Allons-y, qu'est-ce que ça dit? Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Les œuvres, j'espère que je suis comme ça. C'est pas terminé, ma soeur. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies. Là, tu as au verset 9 désormais. Il dit que cette parole. Oui. Regardons, commençons encore. Verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu t'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Mmh. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Fin de citation. Donc, quand vous avez cru, la Bible déclare qu'on vous dise que vous devez vous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà là où Dieu vous attend. C'est ce que la Bible déclare. C'est donc pour cela, tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, il a dit qu'on écrit ces choses même dans la Bible comme un témoignage de Dieu, que heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Christ, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, parce que leurs œuvres vont les suivre. Donc ce qu'ils ont fait sur la terre, c'est pour dire que la récompense les attend concernant ce qu'ils ont fait sur la terre. On ne croit pas que non, je suis un chrétien. Moi je suis un chrétien, Christ m'a sauvé. Hein? Christ m'a sauvé. La Bible déclare, montre-moi donc que tu es sauvé, parce que la foi, c'est la foi qui amène au salut. Il dit, nous sommes sauvés non par les œuvres, mais par la foi. Et après, il a posé la question là-bas, mais cette fois-là, peut-être l'a sauvé. Donc, il veut dire, vous pensez que vous êtes vraiment sauvé, parce que si vous êtes vraiment sauvé, il y a une implication automatique dans la vie des fois. Amen, amen, j'ai compris. Que Dieu vous bénisse. La France dans la sainteté. Amen. Oui, frère, je voulais rajouter quelque chose. Oui, c'est un peu comme disait notre prophète Jean-Baptiste, quand il disait, produisez donc maintenant les fruits dignes de la repentance. Exact, exact, c'est ça dont il est question. Si tu es repenti, prouve donc que tu es repenti, maman. Vis donc en vie de repentance. Voilà, et les gens lui demandaient qu'est-ce que nous devons donc faire. Il dit que celui qui a deux vêtements donne à celui qui n'en a pas. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il en est. Et c'est ce que nous disons. Et on a dit donc qu'on vous dise cela pour que chacun pratique cela, n'est-ce pas, frère? Tout à fait. Si nous voyons les gens qui sont nus, les gens qui sont dans le besoin, et qu'on ferme les entrailles, et 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 22 nous dit clairement que mes frères, aimons en vérité et non seulement avec la langue. Après, il donne l'exemple. Il dit que si quelqu'un manque de la nourriture de chaque jour et que nous le voyons dans le besoin, nous disons, nous fermons notre entraille. Il dit, est-ce que l'amour vraiment débat en nous? Ce n'est pas possible. Parce que l'amour consiste à mettre ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas voir ton prochain dans les besoins et tu lui fermes tes entrailles. Pourtant, tu as de quoi le nourrir. Pourtant, regardez dans le livre d'Isaïe, chapitre 58. Lorsqu'il parle dans ça, Isaïe, allons-y là-bas. Oh mon Dieu. Isaïe 58. Notez également le psaume 41, les trois premiers versets d'Isaïe. Des psaumes 41. Isaïe chapitre 58. Les gens vont chercher la révélation. Oh frère, tu connais la manifestation de fils. Si tu comprends cette révélation, tu vas marcher comme roi. Arrêtez cela. Rentrez sur la terre. Allons doucement, doucement. Doucement. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Amen, amen. Lisons les versets 6 au verset 12 d'Ésaïe chapitre 58. Qui va lire là maintenant? Qui d'autre va lire? Qui d'autre va lire? Je lis au nom de Jésus. Voilà. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue le lien de la certitude. Servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain à celui qui a faim et fais entrer dans ta maison un malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te doute pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi. Et ta gloire de l'éternel t'accompagnera. Continue, mon frère. Alors tu parleras à l'éternel, répondras et tu crieras et il dira : mais voici, si tu te loins du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il te rassasiera de ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une souche dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Les liens. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Regardez très attentivement les promesses qui sont dites ici. Les pasteurs n'aiment pas dire ceci parce que ce n'est pas à leur avantage. Vous voyez? Voilà les. Quand vous parlez des semences, comment semer pour vivre, là, c'est surtout. Il n'y a pas de parabole là-bas. Vous lisez, vous comprenez ce que la Bible déclare. La Bible déclare que Dieu dit si tu fais tes choses à ceux qui sont dans le besoin, si tu fais tes choses là-bas, quand tu vas crier, il va dire mais voici. Quand tu vas appeler, il va venir. Il va même faire germer ta guérison. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens que pour qu'ils soient guéris, il faut qu'ils fassent du bien. Vous voyez cela? Il dit que tes ténèbres seront comme le midi, comme le soleil à son midi. Ça suppose que là où Satan voulait même te persécuter, parce qu'on parle de ténèbres ici, on parle des œuvres démoniaques. Dieu va les transformer en bien dans ta vie. Voilà ce qui est écrit. Voilà alors les œuvres que Dieu, là où Dieu attend. Il a dit, quand tu vas appeler l'Éternel, va dire que me voici. Joignez à votre foi une vie digne du Seigneur. Joignez à votre foi une vie digne du Seigneur. En regardant les misérables, les orphelins, les veuves, comme un devoir du Seigneur à vous assigner. Amen. Regardez cela comme un vôtre. Prenez cela comme votre taureau, votre champ de bataille. Mettez des choses, des actifs à votre compte céleste. C'est comme ça qu'on le fait. La Bible déclare que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. C'est la banque de l'Éternel là-bas. Je crois qu'il y a un enseignement sur Bamba et Balaba, les sources de bénédiction. Je ne sais pas si c'est deux ou trois parties. Prenez le temps d'écouter cela. Prenez le temps de suivre, frère, et vivez selon elle. Psaume 41, verset 1 à 3. Enfin, Oui, frère, j'avais juste une question là. Oui. Ici, quand on parle de nudité, c'est sur le plan physique et le plan spirituel, n'est-ce pas? Non. Tu n'as pas quelque chose sur le plan spirituel, ne pour que quelqu'un s'habille. C'est physique qu'on est en train de parler ici. C'est physique. Ici, tout ce qu'il voit là-bas, c'est physique. Il y a des gens qui portent les lots des habits, pas te jeter à la poubelle carrément. Vous vous souvenez de l'homme riche et Lazare? Quand la Bible parle de l'homme riche et Lazare, dans Luc chapitre 12, 16, Dieu veut nous dire par exemple que si vous êtes dans une maison en train de manger, regardez autour de vous, il peut y avoir quelqu'un à côté de vous qui a besoin de cette nourriture que vous jetez. Souvenez-vous de cela, c'est ce que Dieu. On va y revenir également dans. On va revenir avec l'enseignement riche. Attention, toi qui es riche, l'enfer te guette. On arrive. Toi qui es riche, l'enfer te guette. Donc, je dis quel livre là déjà maintenant. Frère, oui. S'il te plaît, juste une petite question. Comment on ne voit pas d'orphelinat, par exemple, dans la Bible, est-ce qu'il est donné à un chrétien d'ouvrir l'orphelinat alors? Dieu, ce n'est pas la mission des chrétiens là-bas. Dieu n'a pas demandé aux chrétiens de rassembler les orphelins dans un endroit pour les marginaliser. Dieu n'a pas demandé cela. Laissez ça aux organismes, aux ONG pour pouvoir faire leur truc et faire leur truc. Vous, regardez dans votre environnement. Demandez autour de vous, Seigneur, donne-moi la personne que tu as envoyée pour qui je dois manifester cette miséricorde-là. Il va vous les montrer. Tout autour de vous, il se trouve. Si vous priez comme ça, voilà les prières agréables au Seigneur. Vous priez comme ça, il va vous mettre. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui crie, Seigneur, Seigneur, si mon mari était là, j'aurais fait des choses. Dieu ne doit pas descendre au ciel pour les marier. Il n'a nos mains que nos mains. Alors, il faut qu'il nous utilise comme bénédiction. Dieu va vous guider, va vous guider vers les orphelins. Va vous guider vers les... N'allez pas, ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens, c'est pas laisser ça au monde. Qu'ils ouvrent ces choses-là comme les ONG pour faire ces choses-là. Localiser les orphelins, parce qu'il y a les orphelins que Dieu veut que vous fassiez quelque chose. Chacun doit avoir son lot dans cet endroit-là. Dieu n'a pas demandé qu'on les mette dans un sang. Quand on les met dans un sang, même si vous donnez n'importe quelle nourriture, ils sentent qu'ils ne font pas partie de la société. Parce qu'ils sont marginalisés, fermés, enfermés dans un endroit. Laissez-les libres pour que Dieu puisse manifester son amour. Laissez les mondains faire ce qu'ils ont à faire. Donc, si vous voulez, priez chez vous, demandez au Seigneur, Seigneur, quelles sont les veuves que tu veux que je les assiste, quels sont ces orphelins-là. Il va vous les montrer. Il vous les montrera à certainement. Psaume 41. Frère, excuse-moi, j'ai une question. Posez la question, madame. Au niveau de l'hospitalité. Oui. C'est vrai que le Seigneur nous demande, nous dit que l'amour ne se méfie, on ne doit pas se méfier. Oui. Mais aujourd'hui, maintenant, comment, au niveau de l'hospitalité, souvent, il se pose un problème. Oui. On peut prendre des personnes chez soi et ces personnes-là viennent créer des problèmes, par exemple, envers des. Si on a des enfants, ils viennent créer des problèmes envers les enfants, de même. Voilà. Ça, c'est encore une bonne préoccupation. C'est même un couple. C'est là encore une autre bonne préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, avec les mauvaises choses qui arrivent, vous voyez, vous prenez peut-être quelqu'un qui est vous pensez c'est une ménagère, vous la mettez chez vous, c'était une femme, c'est une femme, une sorcière, ou bien quelqu'un que dont vous allez à l'autre travail, vont prendre votre enfant initié, ou bien pour d'autres pires des cas, aller avec votre enfant, comme on voit dans les réseaux sociaux, les gens qui volent les enfants. La question maintenant se trouve au centre du cœur chrétien, c'est le cœur du chrétien. Ce cœur chrétien étant nettoyé aura une relation claire avec le Saint-Esprit qui les guidera sur le chemin qui choisit, avec qui marcher, comment faire son choix. Vous ne pouvez pas entrer dans le domaine de comment vous faire le choix sans que vous n'avez pas une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut donc que le cœur soit nettoyé pour qu'il y ait une relation, une connexion avec le Seigneur. Pour que le Seigneur dise, c'est pas toi de lui. Ne va pas avec telle personne. Il faut que cette relation soit établie. D'accord, ma soeur? D'accord. Si ce n'est pas comme ça, vous allez faire comment? Vous allez commencer à faire que, j'espère que ce n'est pas celui-ci, vous allez commencer à suspecter. Donc, il faut que la relation avec le cœur du Seigneur soit établie. Maintenant, en attendant que ça soit établi, s'il y a des exigences à prendre, recommandez la chose entre les mains du Seigneur. La Bible déclare, recommande ton sort, tes œuvres à l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Vous voulez faire un choix, par exemple, du ménager, de quelqu'un que vous allez faire venir chez vous. On en a eu cette de telles choses. Mon épouse et moi, on a une stratégie pour prier. On prie seulement et on donne au Seigneur de chasser ceux qui doivent chasser et de faire venir ceux qui doivent venir. C'est comme ça que nous prions. Père, telle personne a dit qu'il vient ici. Si telle est ta volonté qu'il vient ici, qu'il vienne et qu'il arrive. Vous voyez, la personne appelle que ouais, je voulais venir comme ça, il ne vient plus. Il croit peut-être que c'est lui qui a fait le choix. On l'a chassé par la prière. Vous comprenez, n'est-ce pas? Prier, ça marche. Amen. Psaume 41. Amen, amen. Psaume 41, verset 1 à 3, qu'est-ce que ça dit là? Le frère Mamadou a dit qu'il ne lit pas, il aime seulement lire chez lui. Quand il n'est pas au travail, il lit seulement ses affaires. Donc le frère Mamadou va nous lire ça maintenant. Je crois bien qu'il aimerait aussi lire. Pas vrai, frère Mamadou? Pas vrai. Psaume 41. Chapitre 41, les trois premiers versets. Psaume chapitre 41. Heureux celui qui se soucie du pauvre, du malheur. L'Éternel le délivre. L'Éternel le garde de lui conserver la vie. Il est heureux sur la terre. et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez là? Le frère Guy Richard, tu es en pleine méditation là, tu es en train de chercher les pauvres déjà à ce niveau-ci comme ça. Relis-nous le même passage alors. Ah ouais. Allons-y. Le frère Guilichat, ton micro est fermé. Heureux celui qui fait attention aux misérables. Au jour du malheur, l'Éternel le délivrera. L'Éternel le gardera et conservera sa vie. Il sera heureux sur la terre. Tu ne le livreras point au désir de ses ennemis. Non, continue la lecture, continue. L'Éternel le soutiendra sur le lit de langueur. Tu changes entièrement son lit lorsqu'il est malade. Vous avez entendu, mes frères? Oui. Voilà. Pratiquez-le et le Dieu de justice sera avec vous, tout simplement. Il n'y a pas de magie avec le Seigneur. Pratiquez ce que vous voyez écrit là. Pratiquez tout simplement. Prenez ses responsabilités. Dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur dit que le jour il va venir s'asseoir sur le trône de la gloire, il va mettre des brebis avec le bouc d'un côté. Et remarquez bien ce qu'il va leur demander. Il n'a pas demandé s'ils ont cru en lui. Dans cette séparation de la brèche, il n'a pas demandé s'ils ont cru en lui. Il a dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas ceci. J'étais en prison, ainsi de suite. On dit, quoi? Quand est-ce que nous t'avons vu faim? Vous avez mis ça dans votre Bible, n'est-ce pas, mes frères? Il dit, oui. Chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses, c'est un de ces petits qui croit en moi, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et de l'autre côté, c'est tourné de l'autre côté, de quand j'avais eu faim, vous m'avez donné à manger. Et là, vous voyez effectivement que ces personnes, ceux qui ont aussi donné à manger, ont été surpris. Mais comment on t'a donné à manger quand il dit que chaque fois que vous avez fait cette chose là, c'est à moi que vous les avez faites. Donc en clair, dans ce passage également de Matthieu 25, manquer de faire ces choses là aux orphelins, aux veuves et aux d'accord. La Bible déclare dans 65 que 67 que Dieu est le père des orphelins, des défenseurs des veuves. Manquer de faire ces choses aux orphelins, c'est manquer Dieu. Faire cela aux orphelins, faire cela aux veuves, aux malheureux et ainsi de suite, c'est faire cela à Dieu. Regardez ces gens là comme une source de bénédiction pour vous, comme votre banque où vous épargnez votre argent. Ne les épargnez pas dans les comptes bancaires où les gens vont prendre pour multiplier pour votre gain. Multiplier pour le gain céleste. La Bible déclare que on dépose le trésor au ciel là où les teignes ne peuvent pas atteindre. Là où le bandit ne peut pas voler. Il n'y a pas de récession là-bas. Il n'y a pas de dévaluation là-bas. Vous voyez? C'est là où il faut déposer. Il n'y a pas de plus meilleur endroit que d'investir que dans la vie des malheureux, que dans la vie des pauvres, dans la vie des orphelins, dans la vie des étrangers. Que Dieu vous bénisse. La France dans la sainteté. Bonjour. Bon dimanche. Et à dimanche. S'il te plaît, il y a quoi? Je dis que si le Seigneur nous montre un orphelin et qu'il permet qu'on le prenne chez nous pour l'éduquer, on peut le faire alors en tant que chrétien. Donc, exactement, donc, vous devenez père pour cet enfant-là, pour lui répliquer l'image du père. Que Dieu vous bénisse. Encore une autre petite question. Une question. Oui. Je crois qu'entre-temps, la sœur Nafissa est venue. La sœur Nafissa, ferme ton micro. La sœur Flora, bonne arrivée du côté de Bordeaux. Bonjour et bon dimanche. Frère. Oui. Le frère Pierre, ferme ton micro également. Je crois que ton micro dérange. Il y a quelqu'un qui a une question là-bas. D'abord, le frère... la sœur Anne. La sœur Anne, parle-nous alors, oui. Souvent, il y a des... Bon, les pauvres, là, je ne sais pas si c'est bon, je ne sais pas, mais les gens qui sont dans les rues partout, quand tu vois, ils sont nombreux, ils demandent aux gens, ils font ça. Ils sont tellement nombreux. Moi, je donne, souvent, c'est bon, c'est pas moi. Donc, quand tu les rencontres, tu les vois, ils sont tellement nombreux que tu ne donnes pas, n'est-ce pas? Oui. Première chose, ne donnez pas tout simplement par la chair. Rentrez d'abord dans la prière, parce que parmi eux se trouvent des agents sataniques. Que si vous donnez, et que vous ne donnez pas de la manière de Dieu, vous vous trouverez dans des problèmes. Je crois qu'un essai, je vais y revenir là-dessus. Donc, priez pour que Dieu vous fasse rencontrer la personne qu'il a destinée pour ces choses-là. Sinon, vous allez tomber dans le mauvais, donc vous allez donner quelque chose, vous allez regretter pourquoi vous avez fait ces choses. Il va vous falloir la délivrance. Voilà. Amen. Donc, commencez par la prière d'abord. Seigneur, mets sur mon chemin celui pour qui tu voudras que je fasse ces choses-ci. C'est là où vous allez s'aimer selon l'esprit. Voilà. Le frère Guérichard avait des questions aussi là-bas. Oui, le frère Guérichard. Oui. En fait, ma question, je n'ai rien à voir. C'est dans 1 Corinthiens 16. Oui. Donc, quand on parlait de... Alors, Paul dit au verset 22, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Oui. Bon, en fait, quand il dit qu'il soit anathème. Ça dit qu'il soit maudit. C'est en fait, c'est comme s'il le souhaite. Bon, maintenant, regarde, lis ça, c'est lis ça, c'est si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est maudit. Lis ça comme ça, de cette façon, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Ok, d'accord. Mm-hmm. Que la grâce et la paix vous soient données. Frère Julien. Oui. Oui, j'ai deux questions. C'est grave. Voilà. On a lu et puis vous avez dit que tu as dit que on doit pleurer avec celui qui pleure. Oui. Mais est-ce que un chrétien doit dire condoléances à une famille qui a perdu? Donc en disant condoléances, tu es en train de pleurer. La Bible n'a pas dit dites les condoléances, elle a dit pleurer. Donc si tu entends qu'elle est morte, tu dis waouh, waouh, c'est que tu es en train de pleurer. Il faut pleurer. D'accord, ma soeur. On n'a pas de condoléances. Non, non, on a dit qu'il faut pleurer. Il n'y a pas de verset biblique pour condoléances. Il y a de verset biblique pour pleurer. Il faut pleurer. Parce que quand les gens sont en train de se réjouir, vous réjouissez seulement. Vous réjouissez sans poser la question qu'il faut dire maintenant je te remercie. Non, vous réjouissez, vous entrez dans la fête. Pleurez quand il faut pleurer aussi, d'accord? En fait, la Bible est en train de dire il faut ressentir ce que les autres ressentent pour les venir en assistance. C'est ce que la Bible est en train de dire, d'accord? Amen. D'autres questions, je crois qu'on ferait mieux de plier les questions. Oui, je peux poser une question, le frère Julien. Oui, mon frère, allons-y. Oui, en fait, à la naissance de Jésus-Christ dans Matthieu, oui. Les marges, quand ils ont suivi les étoiles, là, qui sont arrivées, ils se sont prosternés devant le bébé, Jésus. Oui. Et là, le Saint-Esprit m'a mis en cœur que c'était lui, Dieu. Oui. Parce qu'ils se sont prosternés. Oui. Et ils lui ont offert des offrandes, des offrandes. Oui. Maintenant, quand je lui suis arrivé devant, oui. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, oui. Christ, il y a une colonne qui est descendue. Oui. Alors que Jésus-Christ dans le ventre de Marie, c'était un esprit en fait. Oui. C'était un esprit. Oui. Donc, tu es le Saint-Esprit. Oui. Et maintenant, on dit qu'il y a une colombe qui est descendue sur Jésus-Christ. Oui. Et il y a une voix qui a été entendue dans le ciel. Oui. Et là, je me suis posé la question. Oui. Jésus-Christ, il était Dieu. Ok. Maintenant, il y a une colombe qui descend sur lui, sachant que lui, déjà, il est déjà Dieu. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ. Oui. Sachant qu'il était déjà... Il était déjà Saint-Esprit, il avait déjà le Saint-Esprit en lui. Oui. Et l'Esprit de Dieu encore est descendu sur lui. Il y a une colombe qui est descendue sur lui. Oui. Il y a une voix qui a été attendue dans le ciel. Oui. Cette voix-là était de qui? Bonne question. Bon, bien arrivé. Bonne arrivée dans le corps de Christ, Mamadou. Tu vois, tous ces embrouilles, avec le background musulman, avec l'enseignement musulman, tu vois effectivement que c'est, si ça embrouille les chrétiens, combien les gens musulmans comme vous. Et tu vois. Je rends grâce au Seigneur que tu poses ces questions-là parce que la compréhension musulmane de toutes ces choses-là, dire que le Saint-Esprit là-bas, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est Gabriel, c'est Djibril, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'anomalies là-bas. Mais quand tu lis la Bible, tu commences à comprendre. Et on en a, si vous faites, fermez le micro, donc, pour que je puisse bien parler. Le frère Pierre, ferme le micro. La sœur Laetitia, ferme le micro. Le frère Yannick, ferme le micro également. Comme ça, vous parlez. Si vous voulez réagir, vous cliquez pour que ça soit bien clair. Bon, maintenant, effectivement, lorsqu'on lit le livre de Matthieu, chapitre 2, on voit effectivement. Que les gens sont venus se prosterner. La Bible déclare qu'ils se prosternaient et adoraient. Et même Hérode a dit que quand vous allez voir le petit enfant, faites-le moi savoir pour que je sache où il est pour aller aussi moi-même aussi l'adorer. Maintenant, prenez le livre des gens. Le livre des gens, pourquoi on essaie de montrer tout ce qu'il y a là. Mais toute autre chose que tu veux comprendre par rapport à cela, mon cher frère, il y a les enseignements sur Bamba et Ba. Jésus-Christ est Dieu avec ou sans la Bible qu'il va falloir lire, qu'il va falloir écouter. Il y a Jésus-Christ est-il homme ou Dieu. Toutes les questions que tu as posées sont répondues. Et puis en dernier lieu, dans un ensemble, je ne sais pas si c'est en Égypte, en Belgique qu'on a fait cela, où Jésus est, on a parlé de Jésus étant comme étant Dieu et Père. Prenons le livre des Jean, cette fois-ci. Que seule la personne qui va aller puisse ouvrir son micro, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas ces gribouages-là. Jean. Le livre des Jean. Voilà, les Ivoiriens ont aussi commencé là maintenant. Jean, chapitre 1. Dès que vous y êtes, vous me dites. La personne qui va lire. Verset 29 à 34 de Jean chapitre 1. Bonjour. venu au nom de Jésus. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Bon, voilà, maintenant... C'est bon. Maintenant, écoutez, okay. Très cher chrétien, Jésus-Christ n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qui est dit dans ces passages-là. Je veux que vous écoutiez très attentivement. Parce que quand les gens voient le film de Jésus de Nazareth, ils ont comme impression que Jésus-Christ marche comme un simple homme et qu'à un moment donné, le Saint-Esprit vient entrer en lui comme ça fait avec nous. Ce n'est pas comme ça. Ici, se trouve le signe pour permettre à Jean-Baptiste d'identifier la personne qui est le Messie. C'est lui seul qui voit cela. Ce n'est pas toute la foule qui voit. C'est lui seul qui voit. Parce que c'était le signe pour montrer qui est celui-là qui est l'être spirituel au milieu des hommes. Donc il n'est pas question de l'esprit venant pour entrer dans Jésus. Remarquez très attentivement qu'on lui a dit, voici la façon de reconnaître la personne. Tu vas voir l'esprit descendre s'arrêter sur lui. On n'a pas dit entrer en lui. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Et donc, comme vous avez si bien le remarqué, comme le frère Mamadou a signalé, vous remarquez effectivement que quand il était enfant encore, lorsque vous lisez le livre de Luc, vous voyez effectivement comment Jean-Baptiste, quand Marie va voir sa tante Élisabeth, quand elle entend sa voix, subitement, son enfant va être rempli du Saint-Esprit. Elle va être remplie du Saint-Esprit. Donc, Jésus, étant dans le ventre de Marie, a baptisé Jean-Baptiste là-bas, de l'autre côté, dans le ventre. Et ce verset-ci qu'on vient de lire dans Luc chapitre, dans Jean chapitre 1 dit, celui sur qui tu vas voir cette chose-là, voilà le signe pour toi. Donc, c'est un signe qu'on a donné à Jean-Baptiste pour identifier la personne qui baptise du Saint-Esprit. La personne qui baptise du Saint-Esprit n'a pas besoin du baptême du Saint-Esprit parce que lui, il est esprit. Amen. Lisons maintenant le verset 1, puis on va directement au verset 14. La personne qui a dit de lire, regardez bien le verset 1 de Jean, puis le verset 14 directement. Directement verset 1 à 14, et 14. Non, attendez. Pas 1 à 14. Dès que tu finis le verset 1, tu vas directement au verset 14. Allons-y. Okay. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui. Amen. Verset suivant dit quoi? Et nous? Jean-Louis a rendu témoignage. Oui. Et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Stoppons là-bas. Car il était avant moi. Donc vous voyez effectivement que Jésus n'a pas de commencement en réalité. Il dit celui qui vient après moi m'a précédé parce qu'il était avant moi. Et c'est une bêtise que de dire que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. On n'a pas dit là-bas qu'il était baptisé du Saint-Esprit. Je recommence encore. Ce n'est pas le baptême de l'Esprit de Jésus-Christ qu'on raconte là-bas. On parle du signe pour que le précurseur identifie celui qui va prendre place. Amen. Parce que c'est Jésus qui baptise. On dit que celui, quand tu vas voir cette signe-ci, sache que c'est cette personne-ci qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Michée, chapitre. Le livre de Michée, au chapitre 4, il est dit de lui, dans le chapitre 5 de Michée, il est dit de lui que celui donc qui va venir pour gouverner, l'origine remonte au jour de l'éternité. N'est-ce pas, frère? Amen. Maintenant, le frère Konaté, le frère Mamadou, il est question du Messie identifié à celui qui doit lui préparer le chemin et faire place. Donc c'est pour Jean-Baptiste que les versets là sont donnés. Celui sur qui tu verras l'Esprit descend et s'arrêter. L'Esprit ne descend pas pour entrer en lui. C'est le signe identificateur pour montrer que c'est lui ici. Un peu comme par exemple, regardez bien dans Actes des Apôtres chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre là, on a dit que des langues semblables à des langues de feu s'est posées sur chacun d'eux, au-dessus de leur tête. Vous voyez, ce sont des symboles du Saint-Esprit. Les langues sont la forme de la langue humaine, notre langue, l'organe-ci. Le feu avec cette forme-là. Mais le Saint-Esprit n'a pas la forme du feu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit n'est pas un objet, ce n'est pas une chose. C'est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est non plus le vent qui a traversé dans la chambre. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ. Donc, quand vous parlez de l'Esprit de Christ, vous parlez du Saint-Esprit. J'espère que vous saisissez, mes frères bien-aimés. Vous avez moi? Oui, on saisit. Maintenant, quant à la voix. Tu peux reprendre, frère, s'il te plaît. Là, c'est le frère Achille, il y a beaucoup de bruit. C'est le frère Achille, il y a beaucoup de bruit. Dès fermer le micro. Ma soeur, tu n'as pas. C'est à quel niveau? À partir de quel niveau? Ah, tu dis que. Quand, oui, dans Actes des Apôtres, c'était des langues de feu. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mmh. Toi-même, le Saint-Esprit, c'est le feu. Mais alors, je vais dire, pourquoi justement, à certains moments, on parle de... Donc, c'est quoi? C'est des représentations? Je ne comprends pas, en fait. Donc, et des fois, c'est le vent. Quand il y a un vent violent à... Enfin, les apôtres, quand ils étaient dans la chambre haute... Bon, le Saint-Esprit, alors, c'est le vent à l'homme, maintenant. Non, c'est pas le vent, mais... Bon, vous voyez effectivement que c'est l'esprit. Comprendre. C'est des manifestations. Ce sont des manifestations qu'il fasse avant de vous montrer sa présence, d'accord? Ça ne veut pas dire que tous les vents sont le Saint-Esprit, comme c'est la manifestation du Saint-Esprit, que non. Maintenant, lorsque nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 3, justement... Regarde, allons dans Matthieu, chapitre 3, d'abord. Matthieu, chapitre 3. Nous voulons répondre à l'autre volet de sa question, de la question de notre frère. Ça, c'est au baptême, justement, nominant de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste baptise notre Seigneur Jésus. Maintenant, verset 16 à 17, d'abord. Si vous y êtes, vous faites signe. J'attends que quelqu'un lise. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui attend de Dieu. Ses paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, et qui j'ai mis toute, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, en qui j'ai mis toute mon affection. Je verrai que vous me dites d'abord ce qu'il a dit par en qui j'ai mis toute mon affection. Vous parlez de quoi là? Qu'est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'on parle ici? En qui j'ai mis tout mon affection? Qu'est-ce qu'il en est de dire? Vous voyez le vocabulaire humain, non? En qui j'ai mis toute mon affection? Dieu a tellement l'affection qu'il a porté, l'affection, il a mis Adam le fils. C'est ça que vous entendez, ça? Voici le tabernacle dans lequel je me plais à demeurer. Vous avez compris maintenant, mes frères? Oh. Voici le tabernacle dans lequel je me plais à demeurer. Mettez le doigt là-bas, on va dans le livre des Hébreux, chapitre 10, là, rapidement, vous voyez. Regardez. Mon fils bien-aimé, en qui j'aime mon affection. Donc, Dieu a aimé, il a aimé Jésus, c'est son fils bien-aimé, vous parlez. Hébreux, chapitre 10. Vous y êtes? Verset 1. À 9, qu'est-ce que ça dit? D'Hébreux chapitre 10. Est-ce que les gens vont lire? Quelqu'un d'autre lit? Mon frère ne lit pas, il faut que quelqu'un d'autre lit. Je ne sais pas ce que vous faites. On arrête alors, vous êtes fatigué? Non, frère. Même, non. Même la soeur Gertrude qui étendait sa voix, elle n'est plus là. C'est ça, la loi qui possède. L'ombre de bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, sacrifier, sanctifier ceux qui s'y attachent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert? Parce que les adorateurs, une fois purifiés, n'auraient plus une conscience des péchés. Or, le souvenir des péchés est réitéré dans ces sacrifices chaque année. car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant dans le monde, a dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé ton corps. Ma soeur, arrête d'abord la lecture là-bas. Dans la Bible dans laquelle tu es en train de lire, il s'agit d'une Bible électronique ou bien d'une Bible physique? Électronique. Ok. Électronique, ça peut dire. Il veut dire, est-ce que c'est supportable? Parce que là où on a mis Jésus, il faut mettre ça entre parenthèses. Jésus ne peut pas se retrouver dans cet endroit parce que ça sera contraire à la Bible. Il faut enlever Jésus là-bas, là où vous avez mis là-bas. Donc si vous avez cette Bible-là et que vous avez mis Jésus là-bas, il faut enlever cela. Non, c'est Christ. C'est Christ, ça doit être Christ, pas Jésus-Christ. Donc il faut faire attention. Parce que Jésus, c'est son humanité. Jésus, c'est son humanité. Christ, c'est son... Qui crie comme ça à l'homme dedans là? Quand vous voulez parler, ouvrez le micro. Parce que quand on touche des choses intéressantes, là, il ne faut pas que quelqu'un puisse rater ceci. Regardez, la Bible est en train de faire état là-bas. L'apôtre Paul est en train d'expliquer quelque chose. Le pourquoi le sang des brebis et le bouc était mise pour des dispositions pour attendre le moment parfait que quelque chose se manifeste. Et puis il arrive là-bas, il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, ce n'est pas Jésus-Christ qui est entré dans le monde, non. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est entré dans le monde, c'est le Christ qui est entré dans le monde et il a pris par la suite le nom de Jésus. C'est Christ qui vient pour prendre le nom de Jésus. Parce que Jésus veut dire Dieu sauve. Christ vient justement pour sauver les gens de leurs péchés en prenant un nom au milieu des hommes. Donc ça ne peut pas être Jésus-Christ. D'accord? Donc mettez, enlevez le Jésus là-bas, ça ne se trouve pas ni même dans l'original. Maintenant, vous avez remarqué que ce qu'on a dit là-bas, ça se trouve dans le psaume, quand il parle là-bas, c'est pourquoi Christ, c'est quel verset là? Verset 5. On dit c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Vous avez vu cela? Si vous lisez le psaume 40, le verset 7, ça se trouve là-bas. Or, c'est prévu dans le psaume 40, verset 7, il dit que c'est pourquoi... Enfin, vous avez aussi, c'est pourquoi ton Dieu, dans ce passage-là, il est parti parler de Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a haute d'une huile au-dessus de tes compères, ainsi de suite. Maintenant, ici, il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. La question c'est, je crois qu'on va faire, assez on va faire même 5 heures de temps ici aujourd'hui. La question c'est, quand est-ce que Christ est entré dans le monde? Ce n'est pas quand il est né là, mes chers amis, ce n'est pas quand il est né chez Marie. Vous savez ça, n'est-ce pas? On ne parle pas de ça, donc c'est la question, ce n'est pas cet événement-là ici. Vous voyez, ce n'est pas ça dont il est question ici. Donc on ne parle pas quand il est venu. Jésus, quand Jésus est entré dans le monde, il est né sur Marie avec Joseph. Quand il a grandi, quand il est sorti, il va dire que tu m'as formé un corps. Ce n'est pas ça dont il est question. Dieu est en train de prophétiser. Voici ce qu'il dit dans la prophétie. Comme le sang des boucs ne peut pas enlever le péché, je ferai un corps dans lequel je vais tabernacler pour refaire ces choses-là, pour faire exactement ce qu'il en est. C'est ce qu'on a dit dans la prophétie. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pourquoi, pour que Christ entre dans le monde, il a dit qu'il va se faire un corps dans lequel il va tabernacler pour pouvoir ôter le péché, parce que le sang de bouc n'a rien fait. Il ne peut pas faire quoi que ce soit. Je vais me former un corps. C'est dans ce corps qu'il a dit, voici donc maintenant l'accomplissement, je me plais à demeurer en lui. Voici le corps dont je disais, je me plais à demeurer dans ce corps-là. Je me plais à demeurer. Où je vais tabernacler. C'est parce que vous comprenez, mes chers frères. Ces choses de la Bible-là, donc... Donc il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mais maintenant, mes chers frères, à quel moment ce corps a été formé aussi? Je crois que je vais vous compliquer aussi la vie, mais avec ce genre de questions. À quel moment le corps donc a été formé? À quel moment? Je crois que là-bas c'est silence radio maintenant. Bon maintenant, donc... Vous voyez effectivement, rentrons dans le corps. Le corps était formé depuis l'éternité. Le corps était formé quand le Saint-Esprit est descendu sur Marie, non? Vous avez vu le problème, non? Vous avez vu le problème, non? Vous avez vu? C'est pas ça, non? Le corps était formé à la naissance, non? Ça, c'est la naissance des hommes sur la terre. Lui, son corps n'est pas formé à cet instant-là. Oui, mon cher Guy Richard. Son corps a été formé. C'est depuis l'éternité, parce que je crois qu'il y a un verset qui parle de... En fait, sacrifié depuis longtemps, mais c'est manifesté. Il était manifesté il y a 2000 ans, mais longtemps en fait que c'est. Donc là, le corps a été formé. Oui, c'est bien ça. C'est bien que chacun a été béni. Ça va dans tous les sens là. Moi, je... Oui, frère, oui, frère Mamadou, on ne te voit même plus. On te voit plus, on va se mettre au plafond maintenant. Oui, oui. Moi, je pense que ça a été formé depuis l'écriture. Depuis l'écriture, ça a été formé. Voilà. Applaudissons pour le frère. Applaudissons pour le frère Mamadou. Nous voulons venir dans le corps de Christ, nous voulons identifier. Amen, amen. Voilà. Dans ce passage, tu dis l'agneau qui a été l'agneau immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que vous en dites alors donc? Donc en fait, tout ce que vous voyez là, ça a été accompli depuis, mais c'est ça qui est manifesté à un moment donné. Manifesté à un moment donné, mais formé depuis. Bon, maintenant rentrons dans Matthieu chapitre 3 là. Parce que là, on va dans tous les sens là. Donc dans Matthieu chapitre 3, il est question du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il baptise, cette parole-là est dite. Et voici une voix, verset 17, se fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez ce qu'il écrit là-bas? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce qu'il en est dit? Voici le tabernacle dans lequel je me plais à demeurer. Ça, c'est le tabernacle dont Dieu avait parlé. C'est le temple dont Dieu avait dit, vous allez le chercher, vous allez le trouver. C'est le lieu qu'il a fait résider. Il a choisi sur la terre pour y faire résider son nom. C'est de ça dont il est question là, dans ce passage-là. Maintenant, notez s'il vous plaît, même si je vais citer quelques passages que je vais vous donner maintenant. On va prendre un ou deux et on va lire, on va arrêter là. Je crois qu'on a passé un très bon dimanche, n'est-ce pas? À la fin de la sainteté. Alors, on n'a même pas encore fini, les questions continuent seulement. Hein. Oui, j'ai une question. Justement, dans le chapitre 4 de Matthieu, on parle de la tentation de Jésus-Christ. Oui. Je voulais savoir, ma question est justement savoir, pourquoi est-ce que Jésus a été tenté trois fois et les tentations étaient précises? La première, c'était au niveau du corps. Oui. Pourquoi est-ce que la deuxième, on l'a emmené au-dessus du temple? Et le troisième, est-ce que ça touche à la souveraineté de Dieu? Non, mais c'est ça, c'est ma première question. Ça, c'est quand même fort. Ça. Donc, vous êtes des biblistes bibliques. Ça, c'est clair, mon frère. Bon, maintenant, mon autre question, c'est au niveau de Matthieu 1, je crois. Oui. Lorsqu'on parle de la généalogie. Oui. Je sais que tous les éléments de la Bible, généralement, sont assez précis. Oui. Pourquoi est-ce que 3 fois 14 générations pour arriver à Jésus, en fait? Bon, voilà. Bonne question. Il dit que vous êtes vraiment les biblistes bibliques. Vous avez des questions. Voilà mes deux questions. Vous avez des questions. Donc, pourquoi tu as gardé ça après 3 heures de temps pour poser ça à la fin, frère? Toi, me dis-moi. Parce que après, ça coïncidait avec ce qu'on devait voir justement, ce qui est en train de se passer. Donc, on commence par la question de Mamadou, n'est-ce pas? Et on garde cela. Oui. Plaise au Seigneur. Maintenant, je peux avancer ici maintenant. Donc, regardez, notez le livre de Nombre au chapitre 7. Notez Nombre, chapitre 7, verset 89. Dès que vous avez noté, vous dites, on avance. Notez. Quand vous allez prendre le temps de lire, notez Exode chapitre 19 et chapitre 20. On va faire un détour par là-bas maintenant. Notez également Deutéronome 4, verset 36. Vous y êtes? Notez Néhémie chapitre 9, le verset 13 de Néhémie. Néhémie chapitre 9, verset 13. Dès que vous allez lire maintenant, c'est le frère Mamadou qui va nous lire le passage qu'on va lire tout à l'heure. Là. Dès que vous avez fini de noter, allons dans le livre des Jean au chapitre 3. N'oubliez pas Matthieu chapitre 1. Parce que là, nous voulons répondre à la question. Parce que ça, l'autre volet de sa question, c'est maintenant, quand on le baptise, quand l'Esprit descend sur lui, mais la voix qui parle en haut là, c'est qui? Parce qu'en réalité, il a d'abord vu que si on se prosterne pour adorer cet enfant, c'est que forcément il est Dieu. Or, Ésaïe chapitre 9 dit effectivement qu'un fils nous est né, un fils nous est donné. Et son nom, il est Dieu et Père, en fait. Donc, le livre des Jean, chapitre 3. Et là, maintenant, il entend une autre voix qui parle depuis les cieux. Il dit, mince. Le livre des Jean, chapitre 3, verset... dès que vous avez ouvert, je vous donne. Le frère Mamadou va nous lire cela. Et l'évêque va nous dire ce qu'il remarque dans ce passage-là. Tu es déjà, mon frère? Oui, je suis là. Lis-nous le verset 13. Et puis, je vais te regarder dans les yeux. Tu vas me regarder dans les yeux, on va causer. Verset 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, en parenthèse, qui est dans le ciel. Maintenant, regarde-moi, tu me dis ce qu'on dit là. On dit à personne qui est monté dans le ciel, ouais. Et quel autre renseignement qu'on nous dit? Celui qui est descendu du ciel, c'est l'homme. C'est l'homme. Le fils. Donc c'est toi. Le fils. Qui est le fils là? Toi? C'est Jésus-Christ. Et à l'instant où il parle là, lui il est où? Il est en bas, sur la terre. Et pendant qu'il en parlait, il dit qu'il est où en même temps encore? Dans le ciel. Donc, comment il peut être en même temps en bas et en même temps en haut au ciel? Parce que c'est lui le Dieu. Voilà. Donc vous voyez effectivement que ces versets montrent clairement que malgré que Jésus était sur la terre, ça n'a pas empêché qu'il soit là-bas en haut, n'est-ce pas, mes soeurs? Parce qu'il dit à Nicodème là-bas, c'est à Nicodème qu'il est descendu, il dit personne n'est descendu du ciel, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu. Il dit ce n'est que le fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel, c'est lui seul qui fait cette navette-là. Vous comprenez l'échelle, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc la montée et descendre, c'est en Christ Jésus. Maintenant, cela étant dit, je vous pose une question. Lorsque, je vais vous donner un Exode chapitre 19 et chapitre 20. Dans Exode chapitre 19, Dieu va demander à Moïse de descendre et sanctifier le peuple parce qu'il va descendre le troisième jour. Vous vous souvenez de cet événement? Vous avez lu au moins Exode? Si vous avez lu, vous allez savoir de quel événement je suis en train de parler. Alors, lorsqu'il descend, maintenant, quand Dieu descend-il sur la montagne ou il était encore dans le ciel? Je vous pose la question. Il descend sur la montagne. Il était sur la montagne. Donc, quand il a donné la loi, les 10 commandements, là, il était où? Dans le ciel ou bien sur la montagne? Il était sur la montagne. Tu es sûr à 100%, frère? Parce qu'il ne faut pas qu'on lise la Bible, même d'autres théologiens changent d'avis. Je suis sûr à 100%. Ok. Qui est aussi sûr et qui s'aligne derrière lui là maintenant? Il y a des gens qui sont neutres là. Il y a des gens qui sont neutres. Il était dans le ciel et sur la montagne en même temps. Il était en même temps dans le ciel et sur la montagne. Guy Richard, tu dis quoi? Moi en fait, je voulais dire que. Donc, je pense que c'est dans. Je ne sais plus le passage qui dit en fait, ils ont reçu les tables des anges en fait. En fait, Dieu s'est manifesté, mais peut-être que c'était par un ange. Ou même quand on disait la voix qu'ils entendaient, c'était toujours un ange qui parlait. Exode dans chapitre 19. C'est mieux que la Bible ne sait pas, non? C'est ça. Exode chapitre 19. Il ne faut pas que vous lisiez, mais vous dites que c'est la Bible dérange. Vous y êtes? Verset 14 à 21 du chapitre 19 d'Exode. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Au troisième jour du haut matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Pardon, il était où? Sur la montagne. Qui sont ceux qui disaient? Sur le sommet de la montagne. Donc vous avez dit tout à l'heure qu'il parlait à partir d'où? Sur la montagne. Okay. Sur la montagne. Ok, c'est bien. Notez le chapitre 24, verset 9 à 13. Notez même jusqu'au verset 18 même. Notez chapitre 24 d'Exode, verset 9 jusqu'à 24. Vous y êtes? Allons au chapitre 20 maintenant. Chapitre 20 d'Exode. Lisons le verset 18 à 22. Tout le peuple entendait des tonnerres et des sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Jusqu'au verset 22, ma soeur, oui. Moïse dit au temple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Pardon? Vous ne... Ah, doucement, arrête doucement. Donc il était où l'Éternel depuis là? Au ciel. Ah, ah. Dans les cieux. Alors non, lisons encore. Verset 20 dit quoi? Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Donc, et c'est pour que vous ayez... Donc Dieu est... Verset 21 dit quoi? Attendez, peuple de la France, la fin de la sainteté, bonjour. Verset 21, qu'est-ce que le verset 21 dit? Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Donc Dieu était où? Dans la nuit sur la terre. Voilà. Verset 22, allons-y maintenant. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Donc, étant dans la nuit, il a dit de les parler à haute voix, mais il dit que c'est depuis les cieux qu'il les parle. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, vous voyez, effectivement, quand les gens essaient de prendre Matthieu chapitre 3, pour dire que si Jésus était Dieu, on voit qu'il était ici sur la terre et Dieu parlait depuis les cieux. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il était venu là-bas physiquement au point où, si vous lisez le chapitre 24, là quand vous allez prendre le temps de lire le chapitre 24, il va même faire monter les ancêtres d'Israël, ils vont manger là-bas, ils vont voir même ses pieds. La Bible dit que quand on a vu ses pieds, il n'a même pas tué, il n'a pas mis la main sur les enfants d'Israël. Vous y êtes? Son omniscience, non, Junior. Comment? L'omniprésent. Eh bien, si l'omniprésent, ça veut dire qu'il peut se coucher ici, il dort, il est en train de parler de l'autre côté, pas vrai, pourtant il est ici en train de dormir, vous le voyez bien. Amen, amen. Voilà. Donc, ça dit que pour tous ceux qui prennent Matthieu chapitre 3 pour dire que non, on a vu Jésus-Christ ici, il était un homme. Et puis, une voix a parlé là-bas et on voit l'Esprit, on voit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit réformé. Il faut être délivré vraiment. Nombre chapitre 7, verset 89. Jésus-Christ est Dieu, sans qu'il y ait de Dieu quelque part en dehors de lui. Jésus, notre Seigneur, est Dieu, sans qu'il y ait des dieux en dehors de lui, qu'il n'y ait pas un autre Dieu quelque part, pour le compléter. Voilà. Vous avez suivi, n'est-ce pas, mes soeurs? Oui. Verset 89 du chapitre 7 des Nombres. Amen. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire. Courage, ma soeur, c'est pas notre langue. Continue. Placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Là se trouve une tente humaine qu'on a montée, les Lévites ont monté. Il y a l'arche de l'Alliance positionnée quelque part. Les deux chérubins avaient pris de leurs ailes étendues au-dessus du propitiatoire. Donc, ils couvraient l'arche pour protéger l'arche pour que Dieu puisse être propice aux êtres humains. La Bible déclare que quand Moïse entrait dans cette arche-là, dans la tente d'assignation, Dieu ne lui parlait pas du haut des cieux. La voix qu'il entendait sortait depuis le haut du propitiatoire qui est au-devant de lui, n'est-ce pas, mes chers sœurs? Amen. Néhémie chapitre 9, enfin, le livre de Néhémie. Vous ouvrez les psaumes, vous rentrez rapidement derrière, genre, et puis vous allez trouver Néhémie là derrière. Versets 12 et 13 de Néhémie. Chapitre 9. Qu'est-ce que ça dit, le frère Mamadou? Tu peux nous lire cela ou bien tu n'as pas encore trouvé? Je cherche. Non, je n'ai pas encore trouvé. Oui, patientez que tout le monde trouve. Je veux que vous voyez ça de vos propres yeux. Néhémie combien? Néhémie chapitre 9. Yes. C'est après psaume ou proverbe? Courage, mon frère, courage. Donc, quand tu as repéré les psaumes, tu rentres plutôt en arrière comme si tu allais à Genèse. Tu vas trouver Job, tu vas trouver Esther, puis tu vas tomber sur Néhémie. En tout cas, si tu as la classification classique. Juste avant Esther. Tu as trouvé Job, n'est-ce pas? Tu rentres. Entre-temps, préparez donc Deutéronome chapitre 4 au moins. Là, c'est comme ça que vous n'allez pas vous égarer rapidement. Préparez aussi Deutéronome chapitre 4. La Seketia, depuis ça va? Oui, ça va. Tu as commencé l'exercice avec le cœur? Comment? Tu as commencé ton exercice aussi avec le cœur? Oui, j'avais déjà commencé. Et tu as vomi quelque chose? Tu as vomi quelque chose? Comment? Qu'est-ce que tu as vomi alors avec l'exercice du cœur? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que tu as vomi donc? Qu'est-ce qui en est sorti dans ton cœur? Des choses sont sorties. Néhémie, combien de fois? Néhémie? 9. 9. Néhémie, 9. Oui, Katie, as-tu dit que tu as vomi quoi? Qu'est-ce qui est sorti? Il y a des ressentiments et des rancœurs? Oui, beaucoup de ressentiments et de rancœurs. Oui, beaucoup de courage. Ça va aller, d'accord? D'accord. Versets 12 et 13, mon frère, dans Néhémie, chapitre 9. Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Ça n'a pas été facile. Tu les as guidés? C'est bon? Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï. Tu les as donné des règles justes, des lois conformes à la vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Amen. Donc vous voyez effectivement dans ce passage-là, on dit effectivement que le Seigneur venait vraiment sur la montagne. Mais dans sur la montagne, il est parlé depuis le haut des cieux. C'est pas ce qui est écrit là. Oui. Le chapitre 4, verset 36 de Deutéronome enfin. Donc par rapport à notre frère Achille, les trois dimensions de l'attaque du Seigneur. On va voir cela dans la prochaine explication parce que ça concerne effectivement les manifestations démoniaques dans les tentations de l'homme. D'accord? Ok. Verset 36 du chapitre 4 de Deutéronome. Ça, c'est le seul Kétia. C'est la seule Kétia. Il faut isoler le malade. Ferme le micro pour que ça ne contamine pas tout le monde ici. Désolé. Merci. Ça peut passer par les ondes, non, ces choses-là. Oui, alors, verset 36 du chapitre 4 de Deutéronome, qu'est-ce que ça dit? Il t'a fait entendre sa voix des cieux pour t'instruire. Et il t'a montré son grand feu sur la terre. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. La France dans la sainteté, bonsoir et bon dimanche. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que notre Père vous bénisse. Oui. Que notre Père vous bénisse véritablement. Amen. Oui. Nous vous aimons. Restez sous sa grâce. Amen. Amen. Qui veille sur vous ce dimanche, et quel que soit ce que vous en avez de veille sur vous. Amen. Amen. Salut. Oui. Amen. J'ai une question sur le pardon, parce que c'est une question qui est, c'est un problème qui est très très important. Oui, mon frère Pierre. J'ai une question sur le pardon. Oui. En fait, on peut être tranquille quand on a pardonné à quelqu'un dans son cœur. Mais le problème, c'est que comme souvent, la personne est manifestée, c'est-à-dire que son comportement est lié à un mauvais, par exemple, à un mauvais esprit, et que la personne est toujours avec vous. Oui. Mais dans votre cœur, vous l'avez pardonné. Oui. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire C'est-à-dire, on est conscient que ce n'est pas la personne elle-même, mais la personne continue à vous. Donc là, vous êtes conscient que il s'agit d'une. De la personne est manipulée et guidée par l'esprit, par un esprit démoniaque. Exactement. Donc, c'est là où l'autorité du chrétien se manifeste pour délivrer. Il faut donc l'autre délivrer, d'accord, mon cher frère? Tu t'appelles Pierre, la clé t'a été donnée, n'est-ce pas? Ah oui. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche. Bon dimanche. Jésus la merveille que j'adore. Jésus la merveille que j'adore. Ni qu'un sommeil ni ne dort. Ni l'ensoleil tout monde corps. Sans parer, Jésus la merveille que j'adore. Jésus la merveille que j'adore. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Il est l'ensoleil, tout le monde voit. Sans parer, alors à qui pourrais-je le comparer? Le Christ dit Jésus est sans parer. Song. pareil. Jésus-Christ sans pareil. Allô, allô, allô, allô. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne. Personne. De ma vie, oh Jésus, ah. Au revoir, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, et à dimanche, s'il plaît, adieu.